source qu'elle ne se renouvelle. Et dans le haut du delta du Gange, c'est 50 fois plus. Donc on voit bien qu'il y a des diversités régionales qui sont extrêmement fortes. Hélène Budzinski. Oui, en fait, donc on a une variabilité très contrastée. Et la limite donc met en évidence que malgré donc ces variabilités à l'échelle du globe, on peut réellement observer qu'on est au-delà du seuil de renouvellement. Et donc dès qu'on est au-delà du seuil de renouvellement, eh bien on questionne la durabilité de la limite et de la ressource en fait. Alors, eau verte, eau bleue, pour revenir aussi sur ce que désignent ces deux termes, Hélène Budzinski, le concept a été développé par des chercheurs de l'Institut international de l'eau Stockholm, mais pourquoi on a fait ce distinguo plus précisément? Alors parce que réellement, comme l'a dit Jean Reynal, l'eau verte, à l'origine, on a les précipitations, va vraiment cibler l'eau du sol, et l'eau du sol ensuite qui est disponible pour les plantes. Donc c'est vraiment une partie de l'eau qui a un sens très fort et qui questionne tout ce qui va être fonctionnement des sols, tout ce qui va être agriculture et tout ce qui va être aussi végétaux non cultivés. Donc c'est vraiment une notion très importante et on a ces dernières années de gros épisodes de sécheresse, de gros problèmes justement d'humidité des sols qui affectent la biodiversité, qui affectent le fonctionnement du sol. Pour autant, on peut avoir à certains moments beaucoup d'eau dans ce genre de territoire. Elle va être mal répartie, elle ne va pas participer au bon fonctionnement du sol. On peut la retrouver dans les rivières, mais pour autant, les sols, eux, peuvent ne pas être assez humides. Et donc, c'est deux notions qui sont quand même corrélées, mais qui sont différentes et disjointes. Jean-Rine Lac de Dreuzy, on a commencé donc à faire ce distinguo entre eau verte et eau bleue il y a peu à cause de la sécheresse des sols. Oui, et je rebondis sur ce que disait Hélène juste tout de suite, là, la connexion. L'eau verte est destinée en partie à devenir une eau bleue. De la même façon, l'eau bleue, celle qu'on a dans les nappes à un moment donné, va pouvoir ressurgir, va pouvoir résurger et alimenter un système par l'évaporation. Et c'est bien à ce cycle de l'eau que réfèrent ces deux éléments, eau bleue, eau verte. Et je pense que effectivement, c'est intéressant d'avoir cette distinction pour aller plus loin, pour aller sur cette notion de flux et de stock. On a besoin à la fois de capter une partie du flux, on a besoin de laisser le stock se recomposer, on a besoin pour l'épuration des milieux de laisser une partie du flux partir, lessiver, épurer les contaminants qui ont été déposés, etc. Donc c'est à cette approche plus holistique que nous nous référons et que l'on voit bien tout l'intérêt de pouvoir aller plus loin dans ce qu'est le cycle de l'eau, comment est-ce qu'on l'envisage et quels sont les enjeux, à la fois sur les manques et sur les surplus. Hélène Budzinski, pour compléter ce que vient d'être dit, sur comment se forme l'eau douce. Comment se forme l'eau douce? Alors, elle ne se forme pas, l'eau douce. D'où provient-elle, précisément? D'où vient-elle? Je vais laisser Jean Reynal compléter. Oui, parce que se former... Ouais. Vas-y, Jean Reynal. Oui, l'eau douce, ça vient de l'évaporation sur les océans, l'évaporation et l'évapotranspiration sur les continents. Cette évaporation, elle va produire de l'humidité dans l'air, les nuages, ce cycle atmosphérique, des précipitations. Ces précipitations vont constituer un stock d'eau douce qui va être disponible sur le continent. Je parle de cette partie de l'eau douce, je ne parle pas de la partie eau douce qui est dans les glaciers, qui est dans les calottes polaires, qui n'est pas directement accessible. Et c'est cette eau douce que l'on va retrouver à la fois dans le milieu naturel, comme ressource, avec un côté anthropique très fort, une ressource pour nous, et aussi comme condition de vie, de subsistance des milieux naturels. L'eau douce, c'est à la fois une ressource dont on a besoin et dont ont besoin les systèmes naturels, que ce soit les écosystèmes aquatiques terrestres. Notre planète bleue est une planète principalement salée. L'ensemble des eaux douces ne représente que 2,8% du volume total et seuls 0,7% de l'eau douce est disponible pour la production d'eau potable et pour l'utilisation humaine. Alors comment cette eau douce est-elle menacée? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Hélène Budzinski et Jean Raynal de Dreuzy, nous parlons de cette sixième limite planétaire qui vient d'être franchie et qui concerne l'eau douce, l'eau verte, eau invisible contenue dans le sol, les plantes, les forêts, et l'eau bleue, l'eau visible dans les rivières, les lacs. Ces deux limites donc ont été transgressées. Hélène Budzinski, que représente le franchissement de cette limite par rapport aux cinq autres, si on la compare aux autres limites qui ont déjà été franchies? Ben, en fait, elle représente une marche en avant qui s'accélère et qui affecte petit à petit la totalité des phénomènes, des processus qui sont indispensables à la vie. Pour moi, c'est pas plus grave que le franchissement des premières limites. Par contre, ça s'accélère et ça amplifie le phénomène de dégradation. On parlait de dépassement tout à l'heure. Bon, Jean Raynal l'a dit tout à l'heure, l'eau c'est particulier, bon, certes, hein, mais bon, l'atmosphère, tout autant. Après, c'est clair que l'eau, c'est un milieu de vie pour des organismes, des milliers, des millions d'organismes. C'est une ressource pour l'être humain et c'est aussi un milieu qui est indispensable au cycle et à la régulation du climat. Donc il y a trois enjeux sur l'eau qui sont touchés quand on impacte ce milieu. Donc c'est pas neutre, mais bon, en fait, ça montre une accélération de la dégradation du fonctionnement de notre planète et de nos écosystèmes, en fait. Jean-Renel de Dreuzy. Oui, l'eau, c'est une ressource primaire, essentielle, non substituable jusqu'à un certain point, comme d'autres ressources. On est bien sur quelque chose qui nous touche profondément, aussi d'un point de vue symbolique comme un bien commun. On touche à un bien commun de notre humanité, à un bien commun de la nature. Alors quand on parle justement de ce bien commun de la nature, en effet, ça touche directement la capacité à faire de l'agriculture, hein, qui est donc liée à l'eau. Mais est-ce qu'on peut parler justement de ces risques et des conséquences plausibles sur le court, moyen et long terme de ce franchissement, de ce dépassement de limites ? Dans le concept de limite planétaire, il y avait aussi la question de la résilience et des points de bascule. La limite est franchie, ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de solutions de résilience. Ça veut dire qu'on peut s'approcher de points de bascule. Je donne un exemple très concret. Un aquifère, une nappe phréatique qui est en bord de côte, est menacée par l'intrusion des eaux salées. Les eaux salées qui viennent de l'océan. Quand on pompe dans un aquifère, dans une nappe phréatique, le niveau de la nappe phréatique baisse. Le sel pénètre dans la nappe phréatique, va éventuellement s'installer sous l'eau douce. Et quand on va continuer à pomper, on va commencer à pomper de l'eau salée, celle qui sera diffusée dans la nappe. Le flush, le lessivage de cette eau salée dans l'aquifère peut prendre des années, des décennies. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de résilience de système. Au contraire, on a franchi un point à partir duquel on ne pourra pas revenir dans un état qui est celui qu'on connaissait, ce fameux point de bascule. Et je pense qu'il faut lire ce concept de limite planétaire à la lumière de la capacité à opérer des systèmes, à continuer à avoir des systèmes qui soient résilients, à ne pas passer ces points de bascule. Et l'intérêt de ce concept de limite planétaire, c'est d'identifier ces points de bascule, de pouvoir anticiper, ne pas les dépasser, au risque de se retrouver dans des conditions dégradées, dans un espace qui ne serait plus sûr pour l'humanité. Oui, pour poursuivre cette définition de la notion de limite, Hélène Budzinski, la limite, c'est une zone d'augmentation forte des risques. Oui, ça interroge en fait les usages que l'on en fait. En ça, donc, c'est un concept qu'il est important de considérer. Vous parliez d'agriculture, donc il ne s'agit pas d'opposer les usages, mais donc l'eau est au centre de multiples usages, de multiples besoins, et on peut, parce qu'on va affecter cette ressource, bien justement, avoir vraiment des problèmes vis-à-vis de l'agriculture, ne plus pouvoir mener une agriculture telle qu'on la connaît, on peut ne plus avoir suffisamment d'eau potable, on peut aussi avoir des conditions tellement dégradées que la biodiversité des milieux aquatiques va s'effondrer, donc voir la disparition d'espèces, qui ne reviendront pas. Donc, je rejoins Jean Raynal, l'intérêt du concept limite planétaire, c'est poser une limite, mais pas encore le point de bascule, mais qui est une limite suffisamment inquiétante pour s'interroger et reconsidérer en fait les équilibres, les interconnexions et les multiples usages associés. Une des chercheuses du Stockholm Resilience Center, Catherine Richardson, a une allégorie que j'aime bien pour comprendre justement ce concept de limite planétaire. Elle dit « Nous pouvons considérer la Terre comme un corps humain et les limites planétaires sont comme la pression artérielle. Pardon. Un taux supérieur à 120 sur 80 n'est pas une certaine crise cardiaque, mais cela augmente le risque et par conséquent, nous travaillons à réduire la tension artérielle. » Oui, ce sont des signaux à prendre en compte. Ces signaux qui sont multiples. Et d'ailleurs, on a mené il y a quelques années, avec des collègues, une étude sur les représentations du cycle de l'eau. On a été extrêmement surpris parmi les 500 schémas qu'on a analysés, partout, qui venaient de l'ensemble des pays. Ce sont des schémas qui sont utilisés pour l'enseignement, pour la formation, pour la transmission. Et sur ces 500 schémas, seuls 15% mentionnaient l'humain dans le cycle de l'eau. Et seuls 2 à 3% de ces schémas mentionnaient le changement climatique ou la pollution. Il y a clairement une prise de conscience à avoir sur le fait que l'eau soit une limite planétaire. On le dit aujourd'hui, on a cet effet de la publication de cet article avec quelque chose que l'on ne ressent pas suffisamment. Cette ressource, elle est disponible, on peut l'avoir chacun ici, avec bonheur en France, c'est pas le cas partout, loin de là. Et c'est aussi ces événements-là qui nous permettent de prendre conscience de cette limite. Vous voulez dire que l'humain est complètement sous-estimé dans ces schémas ? L'humain est, par son effet, complètement sous-estimé, comme c'était le cas pour le concept d'anthropocène, où on a découvert un peu du jour au lendemain que l'humain était devenu la force principale d'évolution d'un point de vue géologique. J'entends l'humain et bien sûr tous ses impacts plutôt indirects que directs d'ailleurs. Hélène Budzinski, comment, pour poursuivre, comment l'eau douce est-elle menacée ? Là, on parle en effet des pressions anthropiques, mais quels sont les autres exemples des pressions exercées sur l'eau douce ? Climatique, mais climatique liée à l'anthropique également. Donc on va avoir des pressions chimiques, on va avoir des pressions sur la qualité, on va avoir des pressions sur la quantité puisqu'on l'utilise. Et on va associer ces deux types de pressions à différents niveaux selon les situations. Par rapport à ce que disait Jean Reynal, c'est vrai que typiquement en France, on a l'impression qu'on a de l'eau. Mais c'est une impression qui est quand même assez fallacieuse, puisqu'on se rend compte qu'on a des territoires qui sont en manque d'eau de façon récurrente, pour l'eau potable par exemple, mais également par rapport à des petits bassins hydrologiques qui sont de plus en plus en situation d'étiage prononcée, donc situation de basse eau, et qui du coup ne donnent plus les conditions correctes de vie pour les organismes comme les poissons notamment, parce qu'on va avoir des situations de manque d'oxygène par reconcentration, par exemple. Je suis pleinement d'accord avec ça, et même ça m'a amené à penser que ce concept de limite planétaire devrait être enrichi avec un concept de limite régionale. On a la même chose d'un point de vue régional. Et d'un point de vue régional, on sait très bien que certains seuils ont été dépassés. Quand c'est sur l'eau, on arrive tout à fait en avoir conscience. Et la limite régionale peut être franchie beaucoup plus tôt. Elle peut déjà avoir été franchie. Et c'est un concept qui peut aussi être inspirant pour les différents pouvoirs publics, pour nos différentes assemblées dans lesquelles on partage sur les questions de ressources naturelles, et qui peut être un concept qui est mobilisateur. Mobilisateur pour aller vers une résilience avant que ces limites soient franchies, et quand elles sont franchies, de pouvoir anticiper un retour à un certain équilibre. Je voudrais vous faire réagir également sur ce que vient de dire Hélène Budzinski sur le réchauffement climatique. On peut peut-être aussi rappeler dans quelle mesure le réchauffement climatique favorise la raréfaction de l'eau douce. Oui, un exemple parmi d'autres, on peut avoir dans le réchauffement climatique des lieux pour lesquels la précipitation en moyenne va augmenter. C'est le cas dans certaines régions de France, comme la Bretagne, où l'augmentation de la précipitation se fait temporellement au printemps, fin du printemps, au moment où la température est la plus élevée. Au moment où les organismes, les végétaux, ont une activité forte Et cette précipitation supplémentaire va se traduire par une évapotranspiration supplémentaire, mais ne se traduit pas par une ressource supplémentaire. Au contraire, elle se traduit par une diminution de la ressource. Les études qu'on a réalisées, notamment dans le bassin rennais, montrent qu'à l'horizon 2100, des étés comme celui qu'on a connu en 2022 ne seront plus l'exception, mais la norme. Ça veut dire que tous les ans, on aura des étés qui seront au moins comme celui de 2022. L'été le plus favorable sera celui de 2022. D'où l'importance de pouvoir anticiper. Alors, ces prospectives ont été faites avec des scénarios climatiques qui ne sont pas les scénarios les plus optimistes, mais qui ne sont pas des scénarios improbables, hein, loin de là. Hélène Budzinski. Alors, oui, sachant que les scénarios climatiques sont revus, alors malheureusement, à l'augmentation de l'impact et à l'augmentation de la température. Donc on les revoit quasiment tous les ans. Et quand tu disais, Jean Rénal, que votre étude n'a pas pris les scénarios les plus optimistes, mais elle n'a pas pris les plus pessimistes non plus. Et on voit, quand on réévalue sans arrêt la situation, que l'on tend vers les plus pessimistes de l'évaluation précédente. Donc c'est quand même assez préoccupant. Sur un autre point, hein, par rapport justement à cette raréfaction de l'eau et sur cette perturbation hein, du cycle de l'eau douce, je voulais aussi vous faire réagir, Hélène Budzinski, hein, sur l'impact des aérosols et des nouvelles entités hein, sur l'eau douce. Alors, ces nouvelles entités, elles ne sont pas si nouvelles que ça, puisqu'en fait, ce sont toutes ces molécules chimiques qui sous-tendent notre mode de vie. Alors, la chimie est très utile. Elle a permis toutes sortes de choses, mais elle est faite de molécules que l'on utilise, que l'on consomme. Et là aussi, ces dernières années, on a vu une modification un petit peu comme ce que Jean Rénal disait concernant l'homme. Hein. On ne mettait pas l'homme au centre des perturbations dans les présentations et représentations. En fait, ces dernières années, on s'est rendu compte que on avait tendance à classifier les pollutions comme d'origine industrielle, d'origine agricole. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte part domestique. Et ça, c'est tout un chacun. Alors, c'est pas qu'on est des pollueurs, on est juste des consommateurs. Et on consomme des centaines, des milliers de molécules par simplement nos actions quotidiennes, quand on se lave, quand on se soigne, quand on s'habille, etc. Et donc, toutes ces molécules qui sont utilisées finissent pour partie dans l'eau. L'eau, c'est le miroir de notre mode de vie. On retrouve par exemple dans l'eau des molécules très étonnantes comme les drogues illicites. Donc celles-là, on va dire que ne sont pas encadrées par une réglementation de type REACH, donc la réglementation de l'industrie chimique par exemple. On est typiquement dans quelque chose qui est peu gérable. Pour autant, faut savoir que dans l'eau, on retrouve de grandes quantités de cocaïne, d'héroïne, etc. Donc ce petit exemple caricatural, ça montre que l'eau, c'est le miroir et le reflet de nos consommations, de toutes sortes, jusqu'à nos consommations addictives. Et ça, c'est très interrogatif et très également porteur de sens, parce qu'en fait, on est responsable de l'état de l'eau. Là, vous évoquez en effet la qualité de l'eau et la pollution, mais je disais aussi, pour préparer cette émission, que la pollution par les particules atmosphériques aurait un impact aussi sur les systèmes de mousson. Alors, oui, en fait, tout ce qui est aérosol, donc les particules vont participer à l'aérosol global, et les aérosols atmosphériques vont avoir un impact sur, donc c'est les nuages, hein, et donc on va avoir localement des effets qui vont soit favoriser les précipitations, parce qu'en fait, les particules, c'est des sortes de petites, c'est des petits germes de nucléation ou au contraire de précipitation. Donc en fait, la présence de particules dans l'atmosphère ou d'aérosols, hein, qui ne sont pas encore des particules, mais qui sont des sortes de petits polymères, petits colloïdes, vont changer les régimes de nucléation et de précipitation. Donc ça va modifier en effet le cycle des précipitations elles-mêmes. La mousson indienne pourrait disparaître au profit d'un régime sec. Après avoir dépassé cette sixième limite planétaire, peut-on encore revenir en arrière ? Restez avec nous. I walk up to your doorstep. Diego de Souza, The Water, car nous parlons de l'eau douce, cette sixième limite planétaire que nous avons dépassée en septembre avec cette étude dans Science, dont nous parlons avec nos deux invités du jour, Hélène Budzinski, chercheuse du CNRS au laboratoire environnement et paléo-environnement océanique et continentaux à Bordeaux, et avec Jean-Rénal de Dreuzy, directeur de recherche au CNRS en hydrologie et vice-président recherche de l'école normale supérieure de Rennes, pour évaluer la qualité et la quantité, la dynamique des flux et des réservoirs disponibles en eau douce, il faut multiplier et combiner les approches d'études entre les mesures de terrain, la surveillance satellitaire et la robustesse des modèles numériques. Pour le reportage du jour, nous sommes allés dans les laboratoires de l'UMR, milieux environnementaux, transfert et interaction dans les hydrosystèmes et les sols de Sorbonne Université, et on se plonge dans une expérience hydrogéologique avec vous, Céline Lausanne. Bonjour. Bonjour Natacha, oui, aux côtés d'Anne Jost, maître de conférences et chercheuse en hydrogéologie, qui revenait tout juste d'une expédition au sein de la plaine alluviale de la Bassée située dans les Hauts-de-France. Ses travaux portent sur l'étude des interactions des eaux souterraines avec les eaux de surface en intégrant l'impact anthropique et en inférant les zones critiques. Alors sur le terrain, elle mène avec son équipe des sondages par des capteurs hydromécaniques qu'elle confronte au modèle hydrogéologique tout en complétant par des observations très précise fournie par satellite. Dans son laboratoire, elle s'est livrée pour moi à une simulation d'un processus type pour mieux caractériser et prédire les menaces qui pèsent sur l'écosystème de la Bassée. Là, ce qu'on voit, c'est un bac en plexiglas et qui est rempli de sable. Et puis, on a placé des petits tubes perforés à l'intérieur de cette maquette. Ces petits tubes perforés, c'est l'équivalent de ce qu'on a sur le terrain, ce qu'on appelle des piézomètres, qui sont également des tubes en PVC perforés, ça ressemble à ça. Un tube avec des ouvertures pour laisser circuler l'eau, donc qu'on positionne dans le sol, après avoir creusé un trou, et qui nous donne accès à l'eau souterraine. Alors, on a des dispositifs aussi, on peut créer des pluies artificielles. Là, de façon plus simple, ce qu'on crée, c'est un gradient hydraulique, une différence de charge, alors plus prosaïquement de niveau ici des eaux souterraines, qui va créer un écoulement. L'eau va s'écouler des niveaux d'eau les plus élevés vers les niveaux d'eau les plus faibles. Et là, la maquette en plexi nous permet de visualiser... Ah oui, on voit la tranche en fait. Ce qu'on ne voit pas d'habitude, la dimension de la profondeur. La difficulté en hydrogéologie, c'est que le sous-sol, il est pas accessible directement. Il faut soit creuser ces petits piézomètres, mais c'est très ponctuel. Mais ici, on peut visualiser l'eau souterraine qui est entre les grains de sable. Donc une nappe d'eau souterraine, voici à quoi cela ressemble. Ce n'est pas un lac, n'est-ce pas, comme ça peut être parfois dans l'imaginaire des gens. Non, c'est de l'eau qui est contenue entre les grains de sable. Et ça nous permet, pour nos recherches, de contrôler les conditions. Puisqu'on va utiliser un sable qu'on connaît bien. Alors on peut même aller jusqu'à utiliser des billes de verre. Donc ces petites billes qui ont un diamètre donné, qui sont toutes sphériques, bien sûr. Ah oui, mais c'est très granuleux aussi. Donc ce ruban métrique, au bout duquel il y a une sonde, avec ici le point de mesure, et quand ce point va se retrouver dans l'eau, ça va permettre à un courant électrique de passer. Et démonstration, dans le petit piézomètre de la maquette, quand j'atteins l'eau, il y a une lumière qui s'allume et une sonnerie qui se fait entendre. Et je peux mesurer à partir de là la profondeur de l'eau par rapport à une référence. Donc bon, ici, je suis très proche de la surface. Mais voilà, je vais mesurer la profondeur de l'eau par rapport à une référence qui est souvent le sommet du tube. Et ensuite, j'ai besoin de connaître aussi l'altitude du sommet du tube, de la niveler dans un référentiel d'altitude. Donc c'est souvent en France le NGF, Nivellement Général de la France. Donc les altitudes qui sont définies par rapport au niveau zéro de la mer. Ceci me permettant de comparer les points les uns par rapport aux autres. Et de dire, ici j'ai un niveau, un niveau piézométrique, c'est-à-dire l'altitude atteinte par la surface libre des eaux de la nappe, des eaux souterraines dans un piézomètre. Donc ça me permet de retracer le sens d'écoulement de l'eau. Et on a ensuite une loi de l'écoulement, qui est la loi de Darcy, qu'on peut étudier, mettre en évidence sur ce type de dispositif, de maquette, qui nous dit que le débit est proportionnel à cette différence de charge hydraulique en fonction d'un coefficient qui est la perméabilité, la capacité du milieu à laisser circuler l'eau. Et donc ça permet ensuite de faire justement des quantifications de débit. Et ça forme un petit lac artificiel. Ah oui, là, une petite gravière. Voilà. Donc sur le terrain, la semaine dernière, on allait faire ce type de mesures dans nos ouvrages. Aujourd'hui, on a un vrai observatoire hydrologique dans la bassée avec, vous voyez ici sur cette carte, les nuages de points de piézomètres. Alors les oranges, c'est dans les alluvions, essentiellement dans la nappe des alluvions, qui viennent s'ajouter à nos propres points. Donc il y a une bonne couverture. Il y a une bonne couverture, un bon quadrillage. Mais on a besoin de toute cette information pour alimenter nos modèles. Donc vous avez ici une vue aérienne de la plaine de la bassée, qui permet de bien mettre en évidence les enjeux associés à cette plaine. On voit que c'est un territoire qui est essentiellement agricole, mais dans lequel on a des poches, là, ici, de forêts alluviales. Donc il y a des enjeux de biodiversité à préserver, de faune, de flore. Il y a cette réserve, justement, naturelle qui fait partie du territoire. Ce qu'on voit aussi sur cette photo, c'est une carrière. Donc ici, c'est une carrière qui exploite les alluvions, c'est-à-dire les sables et les graviers. La bassée, c'est une région importante de production de matériaux granulaires. Et on voit que quand on prélève les sables et les graviers, on va mettre à nu la nappe alluviale. La nappe, elle est proche de la surface. Ça, c'est une zone qui est humide, où la nappe est proche de la surface. Et donc, quand on retire les alluvions, on met à nu la nappe. Cela forme des petits lacs artificiels qu'on va appeler des gravières. Et donc, mon travail dans cette plaine, c'est justement d'essayer de reconstituer ces forçages passés et leurs impacts sur les eaux souterraines. Donc, quel est l'impact des gravières? Quel est l'impact des modifications des différents ouvrages sur la Seine? Quel est l'impact... on commence aussi évidemment à travailler aussi sur l'impact du changement climatique. Et puisqu'on parle d'eau souterraine et d'impact anthropique, quel est évidemment aussi l'impact des prélèvements directs d'eau souterraine dans la craie et dans les alluvions. Et grâce à la modélisation, on peut tester relativement ces différents impacts. Là, nos résultats montrent essentiellement que ce sont les aménagements dans les cours d'eau qui ont le plus d'impact sur la côte des eaux souterraines. Donc ces gravières sont un peu comme des piézomètres géants, des fenêtres ouvertes sur les eaux souterraines de la bassée qui, grâce à nos modèles, vont nous renseigner sur l'état des ressources en eau souterraine et leur évolution dans le temps et dans l'espace. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Jean-Rénal de Druzy? Oui, c'est un exemple absolument passionnant et emblématique de ce que l'on réalise, observer, expérimenter, modéliser, pour pouvoir estimer quelles sont les limites d'un réservoir, quel est notre positionnement vis-à-vis de ces limites, et tout en ayant besoin d'émettre des hypothèses. Parce qu'on n'a pas de certitude. On ne voit pas ce qu'il y a dans le sol. Un aquifère, c'est pas quelque chose qui est visible, qui est perceptible. Et ça demande de pouvoir réaliser ces hypothèses et d'être dans un état d'incertitude. Alors pour limiter l'incertitude, on a nombre de méthodes, multiplier les modes de mesure, utiliser des nouveaux capteurs, des nouveaux moyens d'investigation, utiliser des nouveaux modèles qui peuvent être des modèles classiques, ceux qu'on a toujours utilisés, des modèles de l'intelligence artificielle. Et en fait, on est bien sur une vraie capacité d'avancer dans l'identification. Comme dirait un de mes collègues, Grégory Kenneck, on est dans une réexploration de notre environnement. En fait, ce qui nous est le plus inconnu n'est pas nécessairement ce qui est très distant de nous, mais c'est peut-être ce qui est juste à côté de nous, qu'on a modifié ou que l'on ne connaît pas bien et qu'il s'agit de réexplorer ou d'explorer. Et c'est bien notre rôle et un rôle commun qui est à la fois aux scientifiques et aux non-scientifiques. Hélène Budzinski, je voudrais vous aussi votre réaction à ce reportage qu'on vient d'entendre. Alors, un reportage tout à fait, une réaction de néophyte. Hein. Moi, je suis chimiste, pas du tout hydrogéologue. Donc, je trouve, comme l'a dit Jean Reynal, ce qui est particulièrement, je trouve, passionnant et qui m'interpelle, c'est justement d'avoir des systèmes expérimentaux en laboratoire qui permettent de tester des hypothèses pour ensuite comprendre les observations, les modéliser pour prédire. Parce que, in fine, hein, ce qu'on va chercher tous à faire, c'est pouvoir prédire les trajectoires des différents phénomènes, processus, fonctionnements, pour tenter de proposer des mesures ensuite de gestion ou d'accompagner les mesures de gestion à venir. Voilà, oui, puisque tout ça, tous ces travaux, pour bien comprendre tout ça, ces travaux aident à prévenir aussi le franchissement de ces limites. Maintenant qu'on a défini ensemble cette limite planétaire franchie, qui est donc la limite de l'eau douce, Jean-Renal de Dreuzy, on arrive vers la fin de cette émission. Est-ce que, après avoir dépassé cette limite, est-ce qu'on peut encore espérer revenir en arrière? Oui. Sur nombre de systèmes, on a des vraies capacités à pouvoir réagir. Alors, comment réagir? Un, en partageant un constat. Les prédictions dont on vient de parler, qu'Hélène vient de mentionner de nouveau, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse pour pouvoir se situer. Les partager ces scénarios de façon à ce qu'on ait une actualité, une capacité à se projeter qui soit commune. Et que la réaction, ce soit une réaction pas uniquement des scientifiques, mais que ce soit une réaction partagée avec les personnes, les associations, les entités qui sont en charge de la gestion de l'eau et des milieux, et plus largement que cette thématique de l'eau, comme le disait Hélène tout à l'heure, puisse être prise en compte dans l'ensemble de ses dimensions. L'eau, c'est bien le miroir de notre société, de notre mode de vie, le rappelait Hélène. C'est bien une mobilisation commune et c'est aussi ce que l'on constate dans nos régions, ce que l'on constate aussi dans les discussions qu'on peut avoir à l'échelle nationale, qu'il y a aujourd'hui une vraie prise en compte des différentes dimensions, une vraie réflexion autour de ces différentes dimensions. Il s'agit maintenant que cette réflexion puisse associer chacun. Pour certains systèmes, il est possible de revenir en arrière, mais quoi par exemple plus précisément, Jean-Renal de Dreuzy? Par exemple, un aquifère, ce qu'on a exploité de façon modérée, il suffit d'exploiter un peu moins pour que le niveau de l'aquifère remonte, pour que la recharge se reconstitue. D'autres aquifères ne reviendront absolument jamais à leur niveau. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en Californie, dans la vallée centrale, où des pompages massifs d'une eau qui était une eau fossile, une eau qui n'est pas renouvelée dans un aquifère, ont provoqué en 80 ans une subsidence, c'est-à-dire une baisse du niveau du sol de plus de 15 mètres. Le niveau du sol ne remontera jamais. La ressource ne se reconstituera pas. Là, on a passé un point de bascule. Mais quand on n'a pas passé de point de bascule, une résilience est possible, une action est possible. Et il s'agit de prendre en compte ces signaux, ces premiers signaux. Vous parliez tout à l'heure de santé. Quand on a un premier signal sur la santé, c'est à ce moment-là que l'on doit agir et pas quand il est trop tard. Et puis il y a d'autres systèmes où on ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, en Inde, Hélène Budzinski, où il y a une forte pollution à l'arsenic. Alors, la pollution par les métaux, quand elle est effective, en effet, c'est quelque chose que l'on peut très difficilement gérer, parce que les métaux, par définition, sont indestructibles. Donc, quand on a pollué des systèmes avec des métaux lourds, le retour à l'état initial ou à un état acceptable est très long, voire impossible. Ce n'est pas forcément le cas pour les molécules organiques. Les molécules organiques ont une dégradabilité. Donc, on a besoin justement de documenter toutes ces situations, toutes ces conditions, d'avoir bien en tête ce que vient de dire Jean-Rénal, de ne pas franchir le point de bascule. Et une fois qu'il est franchi, le point de bascule, de ne pas continuer. Parce que alors là, on arrive à une situation qui sera totalement, irrémédiablement perturbée. Jean-Rénal de Dreuzy, parce qu'en effet, revenir en arrière en épurant, ça peut prendre des décennies, voire des siècles. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Oui, et effectivement, sur ce cas de l'Inde qui est emblématique de pollution à l'arsenic, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une surexploitation des nappes, tout simplement pour pouvoir irriguer, pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population. Donc on a amené des fertilisants. Ces fertilisants ont percolé dans le milieu souterrain. En percolant dans le milieu souterrain, ils ont activé des micro-organismes qui, eux, dégradent les minéraux et mettent en solution des métaux comme l'arsenic. on continue à pomper, on diminue la quantité d'eau, on augmente d'autant les concentrations. Et ce que l'on n'a pas fait, c'est de laisser une partie de l'eau s'écouler dans l'aquifère. Et en s'écoulant, cette eau, elle va emmener une partie des métaux et elle va aussi épurer. Il y a un raisonnement qui est extrêmement important à avoir en tête, c'est que l'eau, ce n'est pas uniquement une ressource qu'on va utiliser pour faire de l'agriculture, mais c'est aussi un moyen d'épurer. Donc il faut trouver cet équilibre entre la ressource et l'épuration. Ce sont ces équilibres que l'on va rechercher et c'est ça qui va créer la durabilité, la soutenabilité. Vous évoquez en effet le secteur agricole. Hélène Mudzinski, je pense par rapport au levier d'action, force est de constater que l'agriculture est le secteur qui consomme le plus de ressources en eau. Près de 70% de la consommation pour ce seul secteur, loin devant l'industrie, 20% et les utilisations domestiques, 10%. Ça veut dire aussi que c'est un levier d'action pour préserver l'eau douce. Oui, c'est un levier d'action qui est d'ailleurs utilisé. C'est-à-dire que mieux irriguer à des moments plus adaptés, donc ne pas irriguer dans des périodes très très ensoleillées, utiliser aussi des cultures différentes, restaurer aussi le fonctionnement du sol pour préserver une certaine humidité du sol qui permettra d'avoir une irrigation moins forte. Donc oui, c'est un gros levier et c'est en fait la quantité, le delta que l'on pourra gagner sera tout de suite très important. C'est un petit delta sur une grosse quantité, c'est finalement un gros delta. Jean-Rénal de Drozy. Oui, on a effectivement un levier sur l'agriculture et une conscience chez nombre d'exploitants de ce qu'est le cycle de l'eau et comment ce cycle de l'eau intervient dans leur mode de production, mais même dans leur vie au quotidien. Je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec un exploitant agricole sur un champ littoral dans le Cotentin, qui me disait « Oui, moi, je perçois très bien qu'il y a des évolutions. Je ne sais pas si ces évolutions sont liées au changement climatique, au changement des régimes hydrologiques, mais ce que je constate, c'est que dans mon champ, l'humidité est plus tardive dans la saison. Et au printemps, je commence à avoir des difficultés pour pouvoir exploiter. » Et comment est-ce que je peux adapter mes cultures, mes modes d'exploitation à cette évolution? Je crois qu'on a aussi une grande prise de conscience et une écoute importante, intéressante à avoir vis-à-vis de vis-à-vis des exploitants agricoles, avec une idée d'évolution commune et d'évolution qui repose sur la société. Les modes de production agricole réfère aussi à nos modes de consommation. C'est nos consommations, c'est notre évolution dans ce domaine-là qui est aussi un accompagnement de l'évolution de la production. Oui, c'est ça, parce que là on parle d'agriculture, mais en effet l'eau douce interroge tous nos usages. Chacun des aliments que nous mangeons, chaque produit que nous utilisons requiert de grandes quantités d'eau pour leur production. C'est un gaspillage invisible qui se produit alors que la disponibilité d'eau douce va devenir un problème de plus en plus grand. Hélène Mudzinski, on peut finir par parler aussi de l'empreinte de l'eau et de ce concept et sur son utilité. Oui, alors l'empreinte de l'eau, on peut la concevoir à deux niveaux. On va avoir l'empreinte de l'eau, l'empreinte que nous, on a sur l'eau, cette histoire de miroir, nos actions, nos utilisations, notre mode de vie va avoir une empreinte sur l'eau. Et ensuite, l'eau va être définie par une empreinte, par sa constitution ou par on va dire différents indicateurs qui vont donner lieu à une sorte de fingerprint qui va renseigner sur ce qu'est l'eau et sur ce qu'est l'eau et son état. Et je vais passer la parole à Jean Rénal qui est un spécialiste de la notion d'empreinte. Oui, tout à fait. Cette empreinte qui a cette double dimension, dimension quantitative, le volume, la quantité d'eau dont on a besoin pour un service, pour un produit, et aussi l'impact sur la qualité. Une production va avoir nécessairement besoin d'éléments chimiques. Ces éléments chimiques, comme le rappelait tout à l'heure Hélène, vont se retrouver dans le cycle de l'eau et vont constituer, eux aussi, une empreinte. Et cette empreinte globale, que l'on souhaite pouvoir évaluer avec un grand enjeu. L'enjeu que cette empreinte, elle est locale. C'est pas la même chose d'avoir un litre d'eau en Bretagne ou un litre d'eau en Méditerranée, d'autant plus dans des régions encore plus excentrées. Oui, on a longtemps considéré l'eau comme un enjeu local, comme vous dites. Maintenant, on voit que c'est un enjeu, qu'on change les dimensions de la perception et de l'action. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Il est l'heure à présent de retrouver Alexandra Delbault et sa chronique Avec Science. Si certains ou certaines d'entre vous sont en ce moment même en plein milieu d'une sieste, poste de radio allumé, il semblerait que vous puissiez percevoir le monde extérieur et donc entendre et comprendre cette chronique malgré votre sommeil. On imagine aisément qu'il fut un temps, jadis, où nos ancêtres devaient être sur le qui-vive durant leur sommeil en cas d'approche de prédateurs, par exemple, et donc capables de percevoir des informations du monde extérieur tout en dormant. Mais rien ne prouve que cette fenêtre de conscience ait vraiment existé, et encore moins que ce soit encore le cas, parce qu'on a très rarement de nos jours affaire à des prédateurs. Pendant longtemps, il a été admis que pour bien se reposer, il fallait que notre conscience du monde extérieur soit coupée pendant le sommeil. Quelques études mentionnent que des dormeurs en phase de sommeil léger, donc au tout début de l'endormissement, étaient capables de saisir certains stimuli et surtout, et c'est ça qui est important, d'y répondre. Mais seulement durant cette première phase, pas durant la phase de sommeil profond, ni dans la phase de sommeil paradoxal, celle où on rêve. Mais une nouvelle catégorie de dormeurs est récemment venue bousculer nos connaissances. Ce sont les rêveurs lucides. Başak Türker est postdoctorante à l'Institut du cerveau. En 2021, on a fait des recherches sur les rêveurs lucides. Donc les rêveurs lucides sont des personnes qui dorment, qui rêvent et ils savent qu'ils sont en train de rêver. Et parfois, ils peuvent même contrôler le scénario de leur rêve, faire apparaître, disparaître les gens, je sais pas, changer quand le couleur des murs, etc. Donc tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a vu qu'en fait, dans cet état précis, dans les rêves lucides, en sommeil paradoxal, on pouvait aussi observer des réponses qui venaient des participants envers nous et qui captaient l'information. Donc c'était la première fois, on s'est dit, peut-être cette ouverture vers le monde extérieur pendant le sommeil peut aussi exister, pas seulement dans le sommeil léger au début de nuit, mais aussi dans des stades beaucoup plus tardifs. Donc c'était la première fois qu'on s'est dit que c'était possible. Et du coup, on voulait investiguer dans ce sujet plus détaillé. Est-ce une capacité uniquement des rêveurs lucides ou peut-elle être partagée par tous? Dans une nouvelle étude, une autre catégorie de dormeurs a été sollicitée, des personnes narcoleptiques, parce qu'elles s'endorment très vite. C'est donc plus facile pour mener ce type d'expérience et parce que ce sont aussi de super rêveurs lucides, les sujets parfaits donc, et puis aussi des sujets normaux, sains comme vous et moi, ont aussi été recrutés. L'idée est de communiquer avec les participants pendant leur sommeil. Pour cela, l'activité cérébrale est suivie pour déterminer si les sujets dorment bien, et puis on leur a demandé de réagir avec leur visage à l'écoute de différents mots. Başak Türker est aussi co-autrice de ces travaux menés en collaboration avec l'INSERM. Souriez si vous entendez un mot ou froncez le sourcil si vous entendez un faux mot. Par exemple, pizza, ça sera un vrai mot, et ditsa, ça serait un faux mot. Donc les faux mots sont très similaires à des vrais mots de manière sonore, mais ils n'existent pas dans la langue. Et on a enregistré leur activité musculaire. Comme ça, pendant leur sommeil, pendant leur rêve, ils pouvaient contracter ses muscles et on pouvait observer les mini-activités musculaires grâce à ces capteurs qu'on a mis sur le visage. Comme nos résultats de 2021, on a vu que les rêveurs lucides, dans le sommeil paradoxal, ils étaient capables de répondre à nos stimuli. Donc, ce n'était pas très surprenant, mais on était quand même contents de trouver les mêmes résultats. C'est très rassurant. Puis, on a vu que les patients narcoleptiques, ils étaient aussi capables dans tous les autres stades de sommeil, même s'ils n'étaient pas lucides. Et puis, on a voulu regarder si on pouvait trouver la même chose chez les sujets sains. Et effectivement, les sujets sains aussi, ils étaient capables de répondre en sommeil léger et en sommeil paradoxal. Du coup, on était vraiment très très contents. Cela signifie que la frontière entre le sommeil et l'éveil est beaucoup plus fine que ce qu'on croyait jusqu'à présent. Reste maintenant à anticiper l'apparition de ces moments précis de conscience du monde extérieur, soit pour envisager le développement de psychothérapie pendant le sommeil pour des personnes souffrant de cauchemars, soit pour ouvrir une porte de recherche sur les rêves. Merci Alexandra et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je remercie toute l'équipe de la science CQFD avec à la réalisation Olivier Bétard et à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Vous pouvez nous écouter sur l'appli Radio France ou sur le site franceculture.fr. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. France Culture, l'esprit d'ouverture.

Hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix. Marie Chartron, Franck Lilin. Aujourd'hui, la paix est déclarée. Mais George Mitchell a dit au sujet de la violence, votre voie n'est pas la bonne, et cet accord ouvre le chemin du futur. L'accord obtenu cet après-midi traite de manière juste les questions épineuses des prisonniers, du maintien de l'ordre et du démantèlement. Cette question du démantèlement qui a presque failli faire échouer l'accord à la dernière minute. On peut voir les images de Tony Blair et Bertie Ahern. Je crois qu'on a encore des problèmes de son. Mais Robin Oakley, le rédacteur politique de la BBC, est en studio avec moi. Pourriez-vous nous faire une analyse politique de ce que nous sommes en train de voir à l'instant? C'est la chose la plus excitante. Robin, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'on peut maintenant écouter le Premier ministre. Nous y voilà. Le grand jour est arrivé. Celui dont la date sera inscrite dans les manuels d'histoire, qui sera peut-être commémoré pour qu'on se souvienne à quel point nous avons désiré la paix. Après la brutalité des combats, après le labeur des négociations qui peuvent se prolonger pendant plusieurs années en coulisses, nous partons dans les archives à la recherche d'un moment très particulier, réglé par des rituels millimétrés. La signature des accords et des traités de paix. Que reste-t-il de ce moment suspendu? Que peut-on? Que veut-on en montrer? Que faut-il dire? Quel geste faut-il faire pour exprimer la valeur symbolique de l'instant? En compagnie de l'historien Nicolas Offenstadt, qui a exploré les manières de faire la paix au Moyen-Âge, mais également travaillé sur la Première Guerre mondiale et l'histoire plus récente de l'Allemagne, nous scrutons quelques-unes de ces cérémonies. Mais retour au discours des premiers ministres anglais Tony Blair et irlandais Bertie Ahern en 1998. It's a beginning. C'est le début d'un processus de changement où les gens vont pouvoir se mettre à travailler ensemble. Mais cela ne fonctionnera pas si les gens ne le veulent pas sincèrement. J'insiste sur le principe du consentement, sur ce que les gens vont faire, le futur qu'ils vont construire. Mais aujourd'hui nous donne une chance d'espérer. Ça n'a pas été simple. Mais je suis sûr que ma mère serait ravie de constater que nous avons finalement pu avancer. Ce moment de la fin des négociations, le moment où le traité est définitivement scellé, ou en tous les cas où est-ce qu'on arrive à un résultat, c'est quelque chose de très important parce que la paix n'est pas simplement une affaire technique, d'abord au Moyen-Âge, mais même après, c'est qu'elle doit s'adresser ensuite aux peuples, qui sont ceux qui ont subi la guerre ou qui vont profiter des bienfaits de la paix. Nicolas Offenstadt. Donc du coup, la négociation, le point final de la négociation, le moment final, est quelque chose d'extrêmement ritualisé parce que c'est pas simplement une affaire technique. Et c'est pas simplement une affaire entre négociateurs, mais ça doit s'adresser au peuple. Puisqu'ensuite, il y a évidemment des proclamations. Et donc ces proclamations, elles vont avoir différents éléments. Alors, au Moyen-Âge et encore ensuite, le roi ou le souverain ou le dirigeant est souvent un roi de paix. C'est-à-dire qu'il doit se montrer comme un souverain qui est attentif à ce que son peuple ne souffre pas des misères de la guerre, n'en souffre pas trop longtemps, ou s'il en a souffert, c'est pour des raisons bien spécifiques. Autrement dit, il y a une figure qui est absolument fondamentale à déployer, c'est celle du roi de paix. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui va pouvoir se faire au moment où le traité, où la négociation arrive à terme, où elle a été signée. Et donc ce moment-là est clé, parce que c'est le moment où le roi dit, ben voilà, moi je suis le roi de paix, je suis le souverain de paix, j'ai fait ce traité, donc vous allez l'entendre. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant au Moyen-Âge, c'est que ces traités étaient lus en place publique, dans tout le royaume, c'est-à-dire qu'il y a des messagers qui étaient envoyés dans tous les royaumes, pour faire lire les textes de paix, les traités de paix des souverains. Donc c'était pas juste une affaire, on dit souvent évidemment que le souverain c'est une forme de gouvernement absolu, qu'il n'y a pas de lien avec le peuple, c'est faux, et c'est le déploiement de cette parole de paix, il est très important. Et donc on faisait très attention à ce que les messagers et ensuite les crieurs racontent les négociations. Donc vous voyez, le rituel, il est au moins double, Et ça, c'est fondamental. Il y a le rituel, la négociation entre les grands, c'est-à-dire tout un ensemble d'éléments, je vais y revenir. Et puis, il y a face au peuple, où on montre et on déploie sa figure. Alors, soit c'est les négociateurs qui reviennent, on pense à Daladier qui revient des accords de Munich, qui est accueilli par la foule. Donc, c'est toujours cette idée quand même qu'il doit y avoir un lien entre la paix et la manière dont vous allez raconter, dont vous allez la donner. On la donne donc à un peuple, mais dans un premier temps à un public plus restreint, présent le 14 décembre 1995, jour de la signature de l'accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine, dans les rues de Paris. Nous sommes venus spécialement, on n'aurait jamais raté ça, pas une bonne Française. J'ai vu des personnes extraordinaires, pleines de bonne volonté, qui vont certainement traiter le jour d'aujourd'hui comme un nouveau-né. Monsieur Clinton, le chancelier Kohl, qui est venu très... Voilà, vous pouvez le dire à la dame. Le chancelier Kohl est venu nous serrer la main et nous sommes ravis de cette journée historique. Vous n'avez pas trop froid? Vous avez oublié le froid? On oublie, on ne pense plus au froid quand c'est comme ça, non. D'autres ont préféré assister aux Invalides au ballet des hélicoptères, digne d'une grande mise en scène hollywoodienne. Mais pour la photo souvenir de Bill Clinton, c'est raté, surtout pour celles qui n'avaient pas de téléobjectif. Je suis venue exprès parce que j'habite à côté. J'espérais voir le président américain, mais bon, et peut-être est-il déjà parti, on ne sait pas. Voilà. Donc, on a vu des gens passer, mais on ne les connaît pas forcément. On voit les drapeaux, on ne sait pas non plus à quoi ils correspondent. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a comme ça des chefs d'État qui viennent, on vient voir, ça nous amuse. Souvenir de la signature du traité de Versailles, le 13 juin 1956, Lucien Plaute. Nous allons maintenant recueillir le témoignage de Monsieur Lucien Plaute. C'est comme chauffeur militaire que j'ai assisté à Versailles à la cérémonie de la signature de la paix. À cette époque, il faut se rappeler que les voitures personnelles n'existaient plus. Un parc automobile avait été créé, avenue Clichy, pour tous les services dépendants de la présidence du Conseil. Ministre, secrétaire d'État, ambassadeur, chef d'État étranger, relevait de ce service pour avoir voiture et chauffeur militaire. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup de personnalités qui ont assisté à cette cérémonie. Mais j'abuse à remuer tous ces souvenirs et, pour en revenir au 29 juin, j'étais désigné depuis plusieurs semaines au service du ministre de Roumanie en France, M. Antonescu. Pour Versailles, l'itinéraire avait été jalonné de Paris par Saint-Cloud, son parc, ville d'Avray. Il y avait tout au long de cette route un monde fou, autant qu'au retour d'un tour de France. Le service d'ordre, un garde tous les 20 mètres environ, contenait les personnes regardant le défilé des officiels. Chaque voiture avait son fanion national, et c'est ainsi qu'avec le drapeau roumain, des gens criaient à notre passage « Vive la Chine! Vive l'Italie! Vive le Japon! Vive le Brésil !» Mais, en entrant dans la cour d'honneur du château, la grandeur de cette cérémonie m'apparut. Silencieux, formant le coré, des centaines d'officiers, choisis parmi ceux les plus décorés de la guerre, saluaient de l'épée les plénipotentiaires. Ceux-ci montaient à la galerie des glaces, et nous allions ranger nos voitures en bataille face à la perspective du parc. C'est là qu'un invité nous fit remarquer une Rolls-Royce et nous demanda à qui elle appartenait. C'est celle de M. Clemenceau. Comment? Il se sert d'une voiture anglaise. Mais alors, l'industrie française, que va-t-elle devenir? Etc., etc. Notre ami Claire Guyot, qui a déjà bien voulu plusieurs fois nous apporter son témoignage sur des événements précédents, vient aujourd'hui nous parler de la signature du traité de paix, signature à laquelle, naturellement, il a assisté en tant que journaliste. Clémenceau avait décidé d'aller se rendre compte des préparatifs et de l'installation de la galerie des glaces pour la grande séance. Il était accompagné du président Wilson, de M. Balfour, de M. Sonnino et de Matsui. Clémenceau avait dit qu'il arriverait à 2 heures. Il était reçu par M. Nolac, qui était alors conservateur du musée de Versailles, et Wilson est arrivé plus tard. Clémenceau était d'une humeur charmante, mais il vous donnait l'impression de venir là avec l'intention très nette de regarder tout avec l'œil du maître. Il y a eu pendant longtemps, au garde-meuble national, des fonctionnaires qui se sont souvenus de cette visite. Le premier affolement du vieux tigre a été de voir qu'on avait placé dans cette salle de la Galerie des Glaces des fauteuils en pile pour les officiels. Quand il a vu ça, Clémenceau a levé les bras au ciel en disant « C'est désastreux, c'est navrant ». Il avait trouvé aussi étrange un certain tapis couleur feuille morte dont on avait recouvert la table d'époque Louis XV, n'est-ce pas, sur laquelle le plénipotentiaire devait signer. Sur ce même tapis, on avait déniché aux affaires étrangères un extraordinaire encrier style moderne, n'est-ce pas, qui détonnait de façon effroyable dans ce cadre merveilleux. Et alors là, quand Clémenceau a vu ça, il a dit « Ah non, pas ça, il faudra en apporter un autre ». Et il a immédiatement fait emporter le machin. Clémenceau était toujours seul. Wilson est arrivé avec un bon quart d'heure de retard. On a vu Wilson traverser toute la Galerie des Glaces. Il n'avait jamais visité le palais de Versailles. Il a traversé cette merveille, cette pièce merveilleuse, en regardant le bout de ses pieds. Clémenceau se rendait compte qu'il restait complètement indifférent à tant de splendeur. Et alors, fallait voir la tête de Clémenceau balançant ses bras en disant « C'est navrant, c'est navrant !» La table sur laquelle l'illégué allait signer était en face d'une autre table où avait pris Clémenceau, qui avait à sa droite Wilson, à sa gauche Lloyd George, et puis tous les autres. Et puis alors tout le monde, en principe, réparti dans un ordre strict, mais en réalité, dans la plus grande pagaille, n'est-ce pas ? Parce que chacun avait cherché à se débrouiller, à se rapprocher, et puis le contrôle, tout contrôle, était impossible. Alors il y a une question qui est fondamentale finalement dans le moment de la signature ou de l'entente, en tous les cas les dernières phases de la paix, c'est l'attitude émotionnelle des protagonistes. Ça peut être les ambassadeurs, les ambassadrices, ça peut être pour le Moyen-Âge, ça peut être les dirigeants eux-mêmes. Et donc du coup cette grammaire émotionnelle évidemment elle est très importante pour deux raisons. La première raison évidemment c'est que c'est un déploiement des émotions qui est public. Il ne s'agit pas d'émotions intimes, ça, éventuellement les diplomates vont en parler dans leurs souvenirs, mais quand il y a la signature d'un traité, et ça c'est valable depuis le Moyen-Âge, il y a un moment, évidemment, qui est éminemment public, qui est vu, alors soit qui est vu par les chroniqueurs au Moyen-Âge, soit qui ensuite va être vu par les différents médias qui vont se succéder, ça pourra être les photos, puis ensuite ce sera la télévision, ça peut être la radio, et donc du coup l'émotion du protagoniste, évidemment, elle est centrale parce qu'elle va dire quelque chose sur la paix. Et dans le fond, ça remonte à quelque chose qui est assez fondamental, c'est l'idée de dire que la paix réelle doit correspondre à la paix du cœur. C'est une vieille idée chrétienne qu'on va trouver dans les textes médiévaux. C'est-à-dire quand vous faites la paix, il faut qu'elle vienne pas seulement de la réalité politique, des rapports de force, mais elle doit venir du cœur et les chroniqueurs, les analystes, la littérature politique depuis le Moyen-Âge dit qu'il faut qu'elle concorde en quelque sorte entre l'intériorité des émotions et ce que vous êtes en train de faire. Sinon, c'est une fausse paix, c'est une mauvaise paix, si la paix réelle ne correspond pas à la paix du cœur. Et donc, du coup, si c'est une paix qui vient du cœur, elle doit s'exprimer par des émotions qui doivent être la réalité. D'ailleurs, on s'interroge souvent. On s'est interrogé, même lorsque Helmut Kohl et François Mitterrand se sont pris la main, on a dit spontanément à Verdun, on s'est demandé, mais est-ce que c'est une forme de surgissement des émotions ? Hein, où finalement la France, l'Allemagne, incarnées par leurs dirigeants, font la paix devant le monde dans les années 80, évidemment, à nouveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du cœur, spontané, ou est-ce que c'est une gestuelle, finalement, théâtrale, pour mettre en scène ? Donc, vous voyez, cette question-là, elle est fondamentale, parce que face au public, face aux spectateurs, c'est toujours l'idée de la vraie paix. Cette paix qui mettrait en accord les émotions et ce qui se passe réellement, soit dans la signature d'un accord, soit simplement dans une rencontre diplomatique ou internationale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Et d'ailleurs, quel lieu choisit-on pour signer la paix ? Esainai el-Harim, Est-ce qu'on entend rompre avec le passé, ou comme à Versailles, le rappeler lors de la signature? Est-ce que, pour une paix exceptionnelle, on choisit un lieu inédit? Est-ce qu'on répète des gestes séculaires? Est-ce qu'on tente d'en inventer de nouveaux pour ne pas répéter un échec? Loin des ors et de la galerie des glaces du château de Versailles, Israël et la Jordanie signent un traité de paix le 26 octobre 1994 dans la vallée de l'Araba, à la frontière entre les deux pays, en présence du président des États-Unis et du ministre des Affaires étrangères russe. La cérémonie, qui dure 1h20, est filmée et librement accessible dans les archives de la Maison-Blanche. Le paysage est désertique. Et la signature se déroule comme un curieux et très long ballet, muet. Entrecoupé par l'annonce au micro en 3 langues, hébreu, arabe et l'incontournable langue de la diplomatie, l'anglais, des différentes étapes de la cérémonie et de ses protagonistes. Sayyidati sadati, Jalalatul Malik al-Hussein al-Mu'azzam, Malik al-Mamlakat al-Urduniyat al-Hashimiyya, yatahaddathu ilayna. Gotaï Rabotaï, Igia Perek Abrachot Anoumim, diplomates, dignitaires religieux, différents corps de l'armée défilent lentement à tour de rôle sur une scène en plein air, derrière laquelle se dresse une rangée de drapeaux et au loin, la chaîne des montagnes. Il se passe étonnamment peu de choses. Le vent très fort couvre les voix du public et les échanges hors micro des diplomates et des chefs d'État. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On les voit alternativement se lever et s'asseoir, s'incliner pour accueillir un homologue, se serrer la main, se serrer dans les bras, s'offrir des cadeaux. Godspeed. Bref, se toucher et se sourire en déclinant toute une grammaire émotionnelle commune à la majorité des cérémonies de signature. It's a pleasure to see the United States and Russia working together. It wasn't always the case. C'est un plaisir de voir les États-Unis et la Russie ensemble ici. Cela n'a pas toujours été le cas dans le passé. Voici une nouvelle édition que nous accueillons de tout cœur. Welcome to the club. The sooner, the better. Bienvenue au club. Le plus tôt sera le mieux. Allow me to end. Permettez-moi de terminer by the simple word. Avec ces simples mots. Shalom, salam, peace. Et alors là où quand même il y a une histoire, une historicité, c'est qu'évidemment ces émotions ne sont pas les mêmes au XXe siècle et au XVe. Et donc il y a une grammaire, vous employez le terme de grammaire émotionnelle, c'est tout à fait juste, il y a une grammaire des émotions, dont on attend qu'elles correspondent plus ou moins à la réalité de ce qui est négocié. Et parmi cette grammaire des émotions, au Moyen-Âge, les larmes des protagonistes, y compris des princes, y compris de ceux qui sont censés être les guerriers les plus virils, sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'on considère que dans ce grammaire des émotions, les larmes sont un signe en quelque sorte de sincérité, d'une certaine manière de validation. C'est presque une ratification du traité que de pleurer, parce que c'est montrer que ce traité, il vient véritablement du cœur, et que donc il s'exprime par les larmes. C'est quelque chose qui va évoluer. Mais on voit quand même que le geste émotionnel, quand même, est central dans la démonstration de la paix jusqu'à aujourd'hui. Regardez dans le cas d'Yitzhak Rabin et d'Arafat, regardez le cas de Kohl et de Mitterrand, dans la réconciliation, le geste d'agenouillement de Willy Brandt à Varsovie. Donc, on est quand même aujourd'hui, avec la télévision, puis ensuite avec le web, l'idée du geste émotionnel qui dit quelque chose sur la paix n'est pas abandonnée. C'est plus la même grammaire, les choses évoluent, évidemment. Ensuite, les discours qui vont être tenus. Et évidemment, le rôle de l'historien ici est de se demander, évidemment, aussi la part de mise en scène. Parce qu'on ne peut pas imaginer, déjà, même au Moyen-Âge, hein, il y avait un espace public, mais encore plus quand on sait qu'il y aura la télévision, qu'il y aura des relais, que les dirigeants n'anticipent pas. Et pour reprendre le cas du geste de Kohl et de Mitterrand à Verdun, on sait quand même, notamment, c'est ce que raconte Roland Dumas dans ses mémoires, qu'il avait quand même l'idée de faire quelque chose. Alors ça n'empêche pas l'émotion. Mais vous voyez, on savait qu'il faudrait qu'il y ait un geste significatif qui dise que cette rencontre avait une puissance particulière. Donc, du coup, il y a toujours une articulation en diplomatie qui varie selon les époques entre le moment, avec une émotion qui est produite, hein, il ne s'agit pas de la nier, et l'idée quand même préalable d'un régisseur qui réfléchit à la manière dont cette mise en scène va être faite. Et tout le travail de l'historien, c'est de voir un peu comment s'articule la mise en scène préalable et l'émotion qui va être exprimée publiquement. Pour le Moyen-Âge, il y a des débats qui commencent en disant « tout est une mise en scène, tout est réglé. La moindre émotion, le rire, les larmes, la joie, c'est en réalité quelque chose qui est prévu. » D'ailleurs, on arrive, même dans certains contes médiévaux, on dit qu'il faudra déclencher des feux de joie et que tout le monde soit content. Hein. On paye les gens pour être contents. Et donc, tout l'intérêt de discussion, c'est de savoir dans quelle mesure l'organisation et la mise en scène des émotions peut quand même correspondre aussi à quelque chose d'intérieur et comment les deux s'articulent. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, it's a great day. C'est un grand jour. It's a great hope. C'est un grand espoir. It's a moving occasion. C'est un événement émouvant pour beaucoup d'entre nous. Nous en avions rêvé, il est devenu réalité. Ce n'est pas seulement la fin de la guerre, c'est le début d'une nouvelle coopération. Rêvons ensemble, nous en avons désormais le droit. On fait la paix bien sûr avec l'adversaire pour réorganiser les rapports de force, pour faire cesser la guerre, mais il y a souvent la démonstration aussi qu'on doit faire vis-à-vis de son propre peuple, des gens qu'on gouverne. Et donc, dans cet aspect-là, évidemment, la mise en scène des émotions est centrale. Et donc, du coup, en fonction des médias, c'est quelque chose qui est pensé. Et encore une fois, on pourrait se dire, oui, mais ça va arriver à partir du moment où il y a la télévision. C'est pas vrai. Parce que au Moyen-Âge, il y avait toute une mise en scène de l'annonce de la paix qui était souvent aussi importante que la paix elle-même. Je vais vous donner un exemple. Pendant la guerre civile du début du XVe siècle, entre les Armagnacs et les Bourguignons, passons sur le contexte, les paix se succèdent à un rythme très rapide. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'arrive pas à s'entendre, on fait la guerre, il y a des tas de paix qu'on appelle fourrées parce qu'en fait, elles ne mènent à rien. Et pourtant, ces paix sont fourrées, tout le monde sait très bien qu'on ne va pas s'entendre, tout le monde sait très bien que la guerre ne va pas cesser, mais pourtant, à chaque fois, il y a un déploiement de l'annonce de la paix, des fêtes de la paix, qui est très important. Vous voyez, dès le Moyen-Âge, il y a l'idée de dire on fait aussi la paix pour la montrer, pour montrer qu'on est un bon souverain, qu'on est attentif aux souffrances de son peuple. Et donc, du coup, la médiatisation de la paix, la médiatisation des accords de paix, et ça va continuer en partie à l'époque moderne, c'est quelque chose qui est pensé déjà à l'époque, indépendamment du contenu de la paix, même si la paix n'arrête pas la guerre. Donc vous voyez, évidemment, les médias ne sont pas les mêmes, ce sont les crieurs publics, ce sont les affiches, ce sont les feux de joie, ce sont les cloches, qui vont d'ailleurs continuer à jouer un rôle, y compris jusqu'aux périodes les plus contemporaines, mais il y a déjà cette mise en scène qui ensuite, évidemment, va se redoubler, va changer encore avec les différents médias qui vont se succéder, donc la presse, la radio, la télévision, le web. C'est quelque chose qui va devenir même assez iconique, hein, puisque en histoire, beaucoup d'images de paix aujourd'hui, on pense à cette poignée de main de Kohl et Mitterrand, sont des choses qui finalement gardent une puissance presque indépendamment du contexte. Ou cette fameuse, ces liens entre Rabin et Arafat, tout ça, plus personne ne sait exactement ce qui a été négocié. Vous montrez la photo Kohl et Mitterrand, on ne sait pas non plus forcément dans quel contexte, mais cette idée qu'il y a des images, des émotions, des gestes de paix, finalement, qui finissent par l'emporter sur leur signification, surtout quand, en plus, la guerre a continué. Donc, vous voyez, c'est une dimension qui est quand même très fondamentale, à la fois la mise en scène des émotions, la manière dont c'est pensé, la manière ensuite dont c'est diffusé, et la manière dont, finalement, les gestes de paix ont une forme d'autonomie par rapport à ce qui se passe, parce que ça signifie quelque chose de plus. Album photo. Été 1954. Le président du Conseil, Pierre Mendès France, et le premier ministre chinois, Chou Enlai, se serrent la main sur un perron en Suisse. Septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serrent la main sur la pelouse de la Maison Blanche, comme embrassés par le geste bénisseur d'un Bill Clinton souriant entre deux. D'ailleurs, la présence du médiateur est souvent visible sur les photos immortalisant l'instant de paix. Mais retour dans le désert entre Israël et la Jordanie, où l'on retrouve une partie des protagonistes susnommés, dont l'omniprésent Bill Clinton de la décennie 90. The President of the United States of America, William Jefferson Clinton. Thank you. King Hussein. Roi Hussein. President Weizmann. Président Weizmann. Premier ministre Rabin, Prime Minister Rajali, Premier ministre Majali, Crown Prince Hassan, Prince Hassan, Foreign Minister Peres, ministre des Affaires étrangères Peres, ministre Kozirev, Secretary of State, secrétaire d'État, the people of Jordan and Israel, peuple de Jordanie et d'Israël, with a special thanks to those who are our cheering section up there, et en particulier tous ceux qui nous acclament là-bas, we thank you nous all. Vous remercions tous. Souvenir de la signature du traité de Versailles. André Dantan, 1956. Je tournais à la main, j'avais un appareil pâté dont j'avais pris les précautions de prendre un pied assez haut, c'est-à-dire un pied de studio Gaumont, et je pouvais donc avoir la possibilité de passer au-dessus des personnes qui étaient assez près de la caméra. J'étais à quelques mètres de la table de la signature. Oui. J'en ai tourné 350 mètres, monsieur Gillois. À cette époque-là, nous tournions à 16 images. Oui, ça faisait beaucoup. Alors, ça faisait beaucoup. Ouais. J'avais un peu mal au bras parce que, malgré tout, 350 mètres, il fallait que je puisse charger mon appareil assez rapidement. Oui. Et alors, vous avez filmé quoi ? La signature elle-même ? J'ai filmé la signature, j'ai filmé les personnalités, c'est-à-dire la partie du discours, les personnalités qui sont venues signer le traité de paix. Oui. J'ai eu le temps de pouvoir changer d'objectif, car l'objectif se dévissait à cette époque. Il fallait dévisser un objectif, en revisser un autre. Et j'ai fait des documents qui m'ont permis, comme vous avez pu le voir, sur la table de signature, où j'ai pu tout de même me rapprocher sans bouger ma caméra en changeant d'optique. La guerre de 14-18, c'est une guerre qui, contrairement aux suivantes, n'a pas été seulement médiatisée par les images. C'est une guerre dont finalement, en tous les cas, d'abord pour les contemporains, dans l'entre-deux-guerres, encore longtemps, elle passe largement par la littérature et encore par l'écrit. L'idée de l'image de guerre, et encore plus du film de guerre comme on va avoir ensuite pour le Vietnam, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas encore en 14-18. En 14-18, quand vous avez une image, c'est parfois une description littéraire. Hein, c'est les romans à l'époque. C'est Le Feu de Barbus, c'est les Croix de Bois d'Orgelès. En Allemagne, c'est Remarque, c'est Johansen, etc. Hein, donc du coup, il faut bien se mettre dans l'époque. Hein, on n'est pas marqué et frappé uniquement par les images qui circulent. Hein. Il y en a évidemment qui circulent dans la presse, des photographies. Mais on a tout autant à l'époque des textes, des poèmes chez les Anglais ou voilà, chez les Français, chez les Allemands, il y a les textes de Robert Graves, etc. Donc cette idée que la guerre de 14 est médiatisée par l'image, il faut la nuancer, elle passe aussi par l'écrit. Ça n'empêche pas de répondre et de demander ce qui reste du traité de Versailles. Mais là aussi, hein, je pense que l'écrit est encore très important. Alors, il y a quand même quelques images qui sont connues. Et c'est évidemment la présence des gueules cassées. Donc, ces soldats, ces anciens combattants particulièrement abîmés, défigurés par la guerre. Hein, donc, il y avait une délégation des gueules cassées. Donc, c'était le symbole à la fois hein, de cette responsabilité allemande qu'on avait reconnue dans le traité, et aussi évidemment le symbole de la souffrance de la guerre. Donc ça, c'est une image qui est restée, la délégation des gueules cassées à Versailles, et peut-être aussi la peinture. C'est là aussi un média qu'on a oublié, parce qu'évidemment, encore une fois, les images de guerre vont être écrasées par la photographie, puis par le cinéma encore plus, puis par le documentaire. On est dans un monde médiatique hein, qui n'est pas celui des guerres suivantes, qui n'est pas celui de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas celui des guerres coloniales, où la peinture, où l'écrit sont encore des choses qui fixent le regard. Et en tous les cas, il y a au moins deux images. Il y a évidemment cette signature, hein, le tableau d'Orpen dans la Galerie des Glaces, ou cette présence des gueules cassées. Le jour de la signature du traité de paix à Versailles, il y avait dans la salle 5 mutilés dont Clémenceau avait exigé la présence, 5 gueules cassées, qui étaient assis en face des plénipotentiaires allemands. Ils s'appelaient Hébert, Agoguet, Richard, Cavalier et Jugon. 4 d'entre eux sont encore vivants, et l'un d'eux, Albert Jugon, ancien caporal du 1er régiment d'infanterie coloniale, a bien voulu venir jusqu'ici et nous raconter ce qu'il se rappelle de cette extraordinaire cérémonie. Donc, Monsieur Jugon, vous aviez été désigné pour aller à Versailles. Comment est-ce que ça s'est passé? Mon Dieu, il y a président Clemenceau qui a eu content des attentions particulières pour les anciens combattants et les victimes de la guerre, a pensé qu'il convenait de mettre en face des plénipotentiaires allemands quelque chose qui montre bien ce que la guerre avec l'essai comme séquelle et comme, je ne dis pas comme destruction, mais comme souffrance autour d'elle. Il y a un élément quand même qui est central dans la paix et dans 14-18 par rapport à ce qu'on va connaître avant, c'est quand même que, sous une forme qu'on peut discuter, mais la guerre va quand même perdre considérablement en légitimité par la violence de ce qu'ont subi les combattants. Donc il y a quand même ce rejet massif de la guerre qui va aller croissant dans les années 20, au fur et à mesure où on sort du règlement. On est quand même dans un registre du rapport à la guerre et à la paix qui est très différent, il me semble, avec cette présence des gueules cassées. Les bouquets pour le président des États-Unis, le roi de Jordanie, le président de l'État d'Israël et le premier ministre de l'État d'Israël seront remis par Eva Smaadi de Jordanie, dont le grand-père est tombé au front pendant la guerre de 67, et par Lilo Tan d'Israël, dont le grand-père est lui aussi tombé pendant la guerre de 67. Bill Clinton a conclu la longue série d'interventions qui a duré une heure et au cours de laquelle on aura entendu tous les intervenants marteler que cette signature n'était qu'un début et que maintenant il restait aux belligérants d'hier à concrétiser les accords, c'est-à-dire à s'entendre, sans oublier les morts, les blessés, les souffrances, comme l'a souligné le président américain. Intersoir, le 14 décembre 1995. Signature des accords de paix en Bosnie. Dans cette construction de la paix, nous avons également entendu les voix tristes des victimes, les enfants dont les terrains de jeu ont été bombardés, les champs de bataille, les jeunes filles violentées, les hommes abattus, dont les corps ont été mis dans des charniers, ceux qui sont morts de faim dans les camps, ceux qui sont morts dans les batailles. Les millions de personnes déplacées, arrachées à leurs familles, même par-delà les tombes, il y a des victimes qui chantent le chant de la paix aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le temps de la paix est arrivé. Sont invités à la table de signature le Premier ministre d'Israël, M. Yitzhak Rabin, le Premier ministre de Jordanie, Dr. Abdel Salam al-Majali, et à leur côté, le Président des États-Unis, Bill Clinton, le roi de Jordanie, Hussein Ier, le Président de l'État d'Israël, M. Etzel Weizmann, le Prince Hassan, le ministre des Affaires étrangères, M. Shimon Peres, le secrétaire d'État Warren Christopher, et le ministre des Affaires étrangères de Russie, M. Andrei Kozirev. Nouvel acte du ballet muet sur fond venteux, la signature proprement dite est très longue. On signe de nombreux exemplaires, petits et épais, puis deux immenses cahiers, difficiles à manipuler, qui tiennent à peine sur la table. Souvenir de la signature du traité de Versailles, M. Clay Guyot, en 1956. Le jour dit, un camion militaire est arrivé, porteur des fameux volumes, mais est arrivé en retard, on a précipité les soldats en leur disant « Dépêchez-vous de décharger la voiture parce que les délégués étrangers vont arriver ». On a jeté presque pêle-mêle sur le sol devant l'entrée de Trianon les volumes précieux qui représentaient le travail difficultueux de plusieurs mois. Et comme le déchargement venait de se terminer, la première voiture des délégués est arrivée, on a escamoté la voiture, le camion militaire, et tout le temps du défilé des officiels, on a vu un petit tas de papier, un petit tas de volume, n'est-ce pas, qui n'ont servi à rien. Qui était là devant la porte de Trianon, qu'on a naturellement recueilli avec soin après et qu'on a distribué en grande pompe aux intéressés. La question de la matérialité des traités, elle est évidemment très importante parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension symbolique, c'est-à-dire qu'il y a l'objet matériel du traité, qui parfois, effectivement, a une dimension presque esthétique, avec le scellement, avec l'écriture, avec la signature des protagonistes. Donc, il y a une dimension un peu sacrale, surtout quand c'est un traité qui porte des enjeux extrêmement lourds dans un sens ou dans un autre. Donc, l'écrit a une dimension quasi sacrale, à la fois parce que il peut porter la fin des souffrances, il peut porter la triomphe d'un peuple sur un autre. Donc, c'est des actes extrêmement importants. Et effectivement, ce qui est très intéressant, et là, ça permet des jeux sans fin, c'est que évidemment, il y a les exemplaires pour les protagonistes, puis il y a les différentes formes de ratification, puis il y a les copies, puis ensuite il y a les photographies, etc. C'est pour ça qu'il y a toute une diplomatique très précise hein, d'étude des actes, parce qu'il faut savoir à quelle étape du traité on en est. Est-ce qu'on a l'acte original, c'est les protagonistes, ou est-ce qu'on a une copie, est-ce qu'on a une ratification, est-ce qu'on a un acte inséré, parce que parfois ils sont enchâssés les uns dans les autres quand il y a plusieurs traités, quand il y a un serment qui jure à différents traités. Donc il peut y avoir effectivement tout un emboîtement aussi des pièces, qui sont aussi des questions de rapport de force, qui montrent aussi la diffusion des traités. Donc c'est un travail en soi hein, de travailler sur les exemplaires d'un traité et leur diffusion. Vous vous rappelez comment les choses se sont passées pratiquement? Les gens sont entrés en ordre ou comment? C'est-à-dire les délégations, par ordre de délégation, ils ont tous signé, ça a été fort long, comme il y avait les délégués de toutes les puissances du monde. Alors ça a été fort long. Et quand ça a été fini, on a tiré le canon et ça a été tout. Menu du banquet traité de Versailles. Hors d'œuvre. Barre glacée vénitienne, sel de Pauillac moissonneuse, dindonneau à la broche, fond d'artichaut au velouté, mazarine de fruits au kirsch, petit four varié, plateau de fruits, café, fromage, vin, grave et médoc en carafe, volnay, sauterne, redereux frappé, liqueur. Il est devenu français. Son père est mort en Russie. Ce fut ensuite l'heure du déjeuner de l'autre côté de la Seine, au Quai d'Orsay, que l'on a rejoint en autocar. Omar Breton et Chapon de Bresse au menu, avant de nouveaux entretiens séparés entre Jacques Chirac et les trois présidents de l'ex-Yougoslavie. En milieu d'après-midi, les Parisiens qui étaient coincés dans leurs automobiles au milieu des embouteillages auront probablement entendu les hélicoptères qui acheminaient les participants jusqu'aux aéroports de Paris. Il était mon interprète parce qu'il parlait russe naturellement très bien. Et il m'a dit, voilà la maison. Ici Londres, 8 mai 1945, Victory Day, le jour de la victoire. Il est 22h et à 15h cet après-midi, par des discours simultanément prononcés à Londres, à New York, à Moscou et à Paris, la paix a été proclamée. Il est 22h et nous vous parlons de Londres, certainement de l'endroit le plus communément choisi par la foule londonienne pour venir manifester sa joie, c'est devant le Palais Royal, devant Buckingham Palace. Je voudrais en quelques mots vous décrire le spectacle prodigieux qui se déroule actuellement sous mes yeux. Le monument de la reine Victoria a été envahi par les Londoniens qui, comme des grappes humaines, pendent un peu partout. Et spectacle extraordinaire, pour la première fois, les lampadaires de cette place, les lampadaires sont grandement illuminés. Leur lumière crue éclaire la joie des Londoniens. Tout Londres est dans la rue. La nuit tombe et les pubs sont pleins. Dans Soho, le quartier cosmopolite de Londres, chacun boit dans la rue sa pinte ou son verre de whisky à la main. Au coin de chaque rue, des chœurs spontanément s'organisent, et si les fausses notes sont nombreuses, l'entrain et la joie entraînent la foule houleuse. 15 novembre 1978, Louise Weiss se souvient de la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai entendu, comme tous les Parisiens, les cloches sonner à la volée. J'ai entendu des défilés, des ruées, des flots de gens envahir toutes les artères de Paris et une liesse se déchaîner. C'était la fin des hostilités, la fin des atrocités que l'on avait vécues pendant 4 ans. Alors, je suis sortie dans la foule, comme tout le monde, et j'ai été absolument horrifiée. Tandis que les cloches sonnaient à la volée, on voyait porter en triomphe les gueules cassées, comme des drapeaux, ces loques humaines. On voyait des veuves, en théorie, avec leur voile noir. On voyait des orphelins, les pupilles de la nation, et des farandoles autour de ce qui pouvait être considéré comme le fond de la douleur humaine. Et alors tout ce spectacle m'a paru d'une légèreté, d'une sottise, et tellement contraire à la célébration qu'il aurait dû y avoir à cette place, qui était une célébration qui aurait dû s'engager à étudier la connaissance de ce phénomène de la guerre de manière à l'exclure de l'humanité. On y allait de nouveau tout droit. Et je l'avais senti très profondément en participant à cette joie effrénée qui ne me semblait pas de mise. En fait, Versailles est un traité qui va produire énormément d'émotions. Parce qu'il ne faut pas regarder uniquement le côté français. Versailles est une sanction de la victoire. Et donc, du coup, il y a toute une joie qui va se déployer. On sait que les négociateurs alliés vont être applaudis par la foule à plusieurs reprises, quand ils arrivent, puis quand ils repartent. Donc, il y a quand même une mise en scène à Versailles même, hein, d'une forme de joie. De joie, donc, des populations, comme au Moyen-Âge aussi, il était attendu que les populations montrent leur joie avec la paix, avec une réserve quand même, et ça c'est très propre à la violence de ce qui s'est passé en 14-18, c'est quand vous regardez les proclamations qui sont faites, on demande aux populations, malgré tout, de tenir compte du deuil et de la souffrance qui était, c'est dit clairement sur les proclamations, c'est-à-dire, bien sûr, il faudra fêter cela, mais on peut pas fêter ça comme avant, parce que avec les millions de morts, avec le deuil, les orphelins, les veuves et toutes les souffrances, il y a cette idée qu'on ne peut pas faire une émotion débridée, quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre les suites de 14-18, c'est qu'on n'est pas dans la joie de la victoire uniquement, parce qu'il y a ce poids colossal. Ça, c'est une grande rupture. Et c'est pareil, quand on parle du 11 novembre, on dit c'est la fête de la victoire. Non. Pour les anciens combattants, c'est la violence, c'est le deuil. Et donc, du coup, il y a toujours cette ambiguïté dans la manière dont les émotions sont mises en scène après 14-18. Ça peut être celle, évidemment, du triomphe de ceux qui ont gagné, mais c'est jamais ceux qui ont gagné sans limite. Le fameux traité de Versailles, qui a été tellement considéré par les Allemands comme inique, comme inacceptable, comme un diktat. Ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, après la défaite de la France en 1940, ont cherché à mettre la main sur l'original. Donc on le voit toujours, cette idée quand même que la matérialité écrite reste un enjeu. Ils l'ont trouvé d'ailleurs, après toute une histoire sur la préservation par les autorités françaises en 39-40 du traité de Versailles. Ils l'ont protégé, mais ils l'ont mal protégé parce qu'ils n'ont pas protégé finalement l'original, qui est tombé dans les mains des Allemands. Et on sait aussi qu'il a même été envoyé à Hitler pour qu'il puisse le voir. Donc d'une certaine manière, vous voyez, ce traité humiliant qui avait été si fondamental dans l'histoire de l'Allemagne, et d'ailleurs si fondamental dans l'accession au pouvoir des nazis, qui avait largement fait l'unanimité autour de la critique du traité de Versailles et de son démantèlement. Donc ce traité, finalement, a fini dans les mains du Führer, puis ensuite il a disparu. Et aujourd'hui, on ne sait pas où est l'original. Monica McWilliams, 1998. Les gens en Irlande du Nord se sont toujours dit « Si seulement les politiciens pouvaient s'asseoir autour d'une table, discuter et trouver un accord. » Aujourd'hui, nous l'avons fait. Nous avons rompu avec la culture de l'échec en Irlande du Nord. Il n'y a pas de retour. Nous sommes parvenus aujourd'hui à un accord de paix entre les parties. Maintenant, nous devons aller vers le peuple pour que cet accord fonctionne. Réaction aux accords de paix sur la Bosnie-Herzégovine, le 14 décembre 1995. Ma première réaction, c'est que je suis un peu méfiante. Parce qu'après 4 ans, je ne crois pas que la paix soit possible. On verra, mais si c'est le cas, c'est merveilleux. Car c'est la meilleure chose qui puisse arriver à ceux qui ont connu la guerre. Je serai très heureux si ça dure. Je l'espère. Ça ne va pas être facile. Il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions accomplir en détail tout ce qui doit être fait. En Bosnie, la guerre est finie, mais la paix reste à faire. Personne ne doute de l'importance du traité signé ce matin à Paris, mais personne, Ralph Pinto, n'ignore les difficultés qui restent à surmonter sur le terrain. Aucun président, aucun ministre ou aucun responsable n'a jamais prétendu ce matin que la signature de l'accord, c'était du même coup la paix revenue. On a entendu conférence de l'espoir, souhait de réconciliation, nous ne pouvons pas garantir l'avenir ou encore la responsabilité finale incombe d'abord aux trois signataires. Et le médicament amer évoqué par le président Izetbegovic est là pour ramener les choses à leur petite mesure. Les 60 000 hommes de la force OTAN ne pourront pas tout, on signe, alors qu'il n'y a même pas encore de reconnaissance mutuelle. La paix israélo-arabe, déjà étriquée, devient un modèle en comparaison de l'accord de Paris. Les explosions de Sarajevo cet après-midi, toujours aussi mystérieuses, ne menacent rien bien sûr, mais les horreurs des 3 ans et demi passés expliquent le scepticisme des populations et justifient peut-être du même coup que Français, Américains ou Britanniques réalisent que l'opération en Bosnie est autant un grand saut dans l'inconnu. Bill Clinton ne veut plus, ne peut plus exclure publiquement des victimes dans les rangs de la force internationale. Et comment, à Sarajevo, convaincre les uns, serbes, que ceux d'en face, musulmans, ne vont pas régler des comptes? Comment contrôler les praticiens de la Kalachnikov ou du RPG? On a suffisamment vu et entendu les chefs de guerre de tout poil là-bas. Mais enfin, l'opération est maintenant lancée. Après Paris, ce sera au tour du Conseil de sécurité des Nations Unies d'afficher le feu vert pour l'acheminement de ces 60 000 hommes sur place. Il faudra environ 2 mois et demi. En plein hiver, bien sûr. On a dit que l'opération était la plus importante en Europe depuis la guerre. On doit ajouter la plus aléatoire. La paix. Un grand saut dans l'inconnu contente dans la mesure du possible d'encadrer et d'affermir. Une fois passé le cérémonial technique de la signature des traités, qui doivent ensuite être ratifiés par les États et acquièrent de cette manière une valeur légale, les mots viennent en renfort. Le discours de paix a presque toujours une portée incantatoire et performative. Que la paix soit. Comme dans ce discours du président Wilson adressé en 1913 aux Nord-Amérindiens, qui n'en étaient d'ailleurs ni à leur premier, ni à leur dernier traité. Le passé, dit-il, est rempli d'heures sombres. L'histoire montre que les colons américains ont souvent défendu avant tout leurs intérêts. Mais il faut reconnaître que les Indiens ont bénéficié des apports de la civilisation, des écoles construites dans leurs réserves, etc. Nous sommes une nation, conclut-il, en affirmant que le père blanc reconnaît maintenant les Indiens comme ses frères et non plus comme ses enfants. The great white father now calls you his brothers, not his children, because you have shown in your education and in your settled ways of life staunch, manly, worthy qualities of sound character. Ce que nous essayons de faire, c'est discuter et trouver une solution pour que tout le monde puisse vivre sans violence. Le futur vous appartient et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à un futur qui vous donne la chance d'avoir une vie meilleure. Je suis très heureuse que vous soyez venus aujourd'hui pour nous souhaiter bonne chance. Et merci beaucoup pour la musique. J'espère que votre voix sera entendue. Nous allons faire tout notre possible. La cérémonie se terminait. Les fenêtres de la galerie des glaces étaient ouvertes et, seul, restait accoudé à un balcon, M. Brentano, président du Conseil roumain, perdu dans ses pensées, songeait sans doute à l'avenir. Nous en avons terminé avec nos témoins. Je pense que nous n'avons pas à discuter de ces divers témoignages. Ils ne se contredisent pas. Ils évoquent tous, vus sous des angles divers, la journée qui fut sans doute pour notre pays une des plus grandes dates de son histoire et qui serait inoubliable si l'oubli n'existait pas. À Nicolas Offenstadt. Lecture, Olivier Martineau et Anna Weck. Prise de son, Thibaut Nassim Ben et Laurent César. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. LSD, hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix. Troisième épisode, la paix est déclarée. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lilin. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France. Sometimes in life you fear the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes stated, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. star, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. France Culture s'associe à l'ouverture de la Maison Poincaré à Paris. Véritable lieu de partage, de recherche et de transmission, venez vivre les mathématiques autrement. Dispositifs interactifs et manipulations, vidéos et objets de collection pour découvrir l'influence des mathématiques dans notre quotidien. À l'occasion de l'exposition d'ouverture « Entrez dans le monde de l'intelligence artificielle », laissez-vous guider dans un parcours interactif inédit. La Maison Poincaré, le lieu où les maths prennent vie, à découvrir à Paris dès maintenant. Un partenariat France Culture. Bien entendu, vous écoutez France Culture. Dans un instant, le journal de la rédaction. D'ici là, je vous donne le programme de votre avant-soirée sur France Culture. À 19h, vous retrouverez Affaires culturelles avec Arnaud Laporte qui reçoit ce soir Sol Gabetta, violoncelliste. Juste après les informations à 18h20, le temps du débat. Quelle place pour l'humanité en temps de guerre? Ça sera la question que nous poserons à nos trois invités. Pour l'instant, vous écoutez France Culture. Il est 18h. Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. C'est le président américain qui l'a annoncé le premier depuis Tel Aviv. Thibault Lefebvre a suivi l'intervention de Joe Biden. Journée de colère dans le monde arabo-musulman après l'explosion qui a dévasté un hôpital de Gaza. Nous joindrons notre correspondant au Liban, Noé Pignède. En France, l'exécutif recourt une nouvelle fois au 49-3. Elisabeth Borne engage la responsabilité de son gouvernement sur le volet recettes du budget 2024. Et puis nous irons ce soir à Lyon où la Villa Lumière rouvre ses portes. Le bâtiment Art Nouveau, conçu par le père d'Auguste et Louis Lumière, était fermé pour travaux. Il héberge un nouveau musée et des salles de cinéma. Et si nous commencions ce journal par une bonne nouvelle, Fariba Adelha est de retour en France. La chercheuse franco-iranienne était retenue depuis 2019 en Iran. Bonsoir Christian Chéneau. Bonsoir. Fariba Adelha avait été condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait été libérée en février, mais elle ne pouvait pas jusqu'à présent quitter l'Iran. Oui, pour revenir sur sa détention, elle avait été arrêtée en Téhéran avec Roland Marshall, son collègue du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI, le 5 juin 2019 lors de son procès. Ses juges avaient retenu contre elle deux chefs d'inculpation, propagande contre le système politique de la République islamique et collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Clamant son innocence depuis le début, Fariba Adelha avait mené une grève de la faim pendant 49 jours qui l'avait beaucoup affaiblie. Elle sera incarcérée à la prison d'Evin dans la section des femmes, puis assignée à résidence sous bracelet électronique et interdite de sortir au-delà d'un périmètre de 300 mètres autour de chez elle. En janvier 2022, c'est le retour à la prison d'Evin, puis elle est libérée en février, mais interdite de quitter l'Iran. Son retour en France est évidemment un énorme soulagement pour sa famille, ses proches et ses collègues du CERI qui se sont mobilisés pendant toute sa détention. Rappelons qu'il reste encore 4 Français détenus dans les geôles iraniennes, 2 syndicalistes enseignants, Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris, un consultant, Louis Arnaud, et un ressortissant français dont le Quai d'Orsay refuse de dévoiler l'identité. Merci Christian Chéneau. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on vient d'apprendre la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi. Il était détenu en Afghanistan depuis 284 jours. Nous allons maintenant en Israël retrouver notre correspondant Thibault Lefebvre. Bonsoir Thibault. Bonsoir, bonsoir à tous. Le président américain qui a fait le déplacement à Tel Aviv pour apporter son soutien à Israël, mais aussi pour essayer d'empêcher un embrasement de la région, a donné une conférence de presse cet après-midi et Joe Biden a fait des annonces importantes. Tout d'abord, Thibault, les États-Unis ont obtenu l'acheminement via l'Égypte d'une aide humanitaire à la bande de Gaza. Israël a donné son accord sous la pression américaine et avec des conditions. que les livraisons soient inspectées, que l'aide humanitaire arrive directement aux populations civiles dans la zone sud et pas au Hamas, et qu'elle ne concerne que l'eau, la nourriture et des médicaments. Les États-Unis devraient débloquer un programme d'aide à hauteur de 100 millions de dollars. À voir maintenant si l'Égypte décidera d'ouvrir le poste frontière de Rafah au sud de l'enclave. Le président américain doit s'entretenir avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans l'avion du retour. L'autre information, c'est le soutien militaire et financier à Israël. Deux porte-avions américains sont déjà positionnés en Méditerranée orientale. 2000 soldats sont prêts à intervenir. Et Joe Biden s'est engagé à demander au Congrès américain d'approuver une aide financière sans précédent à Israël. Le président américain a enfin rappelé que selon lui, la paix passait par une solution à deux États. Et il a menacé de représailles pour la troisième fois en 12 jours les pays ou les groupes qui voudraient s'en prendre à Israël. Une autre information importante, cette fois au sujet de l'explosion survenue hier soir à l'hôpital Al-Ali de Gaza. Le Hamas a dénoncé un massacre israélien, mais les États-Unis, Thibault, soutiennent la version israélienne. Joe Biden est convaincu, comme l'armée israélienne, que l'hôpital Al-Ali de Gaza a été touché hier soir par une roquette lancée de l'enclave par le djihad islamique palestinien, un allié du Hamas. Une mise au point fondée, dit-il, sur des informations du Pentagone et pas seulement donc sur la démonstration, images et documents audio à l'appui de l'armée israélienne présentée en fin de matinée. Cette thèse est évidemment difficile à confirmer, tout comme celle du Hamas. Le mouvement islamiste affirme de son côté que des bombardements israéliens sont à l'origine de l'explosion. Le ministère de la Santé palestinien a compté 471 morts, un décès sur six dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Merci Thibault Lefèvre. Dans le monde arabo-musulman, ça n'est pas la thèse de la roquette palestinienne, mais celle d'une frappe israélienne qui l'emportait. De très nombreuses manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, en Jordanie ou encore au Liban, où la colère était palpable. Écoutez le reportage de Noé Pignet à Beyrouth. Aux abords de l'ambassade américaine, la manifestation tourne à l'émeute. Les centaines de personnes tentent d'avancer vers le mur d'enceinte. Ils sont repoussés par des tirs de lacrymogènes et des charges des forces de sécurité libanaises. Certains s'évanouissent à cause des gaz. Des ambulances défilent pour les évacuer. Ahmed, 23 ans, porte un keffieh palestinien autour du cou. On nous traite comme des animaux alors qu'on est venu pacifiquement. Ils nous tirent dessus, on ne comprend plus rien. On est juste là pour soutenir la cause palestinienne et Gaza. Mais s'il le faut, le sang coulera pour venger les enfants et les familles qui sont morts là-bas. Tous les manifestants accusent les Occidentaux d'être complices de la mort des milliers de civils dans les bombardements sur la bande de Gaza. Fatima est une réfugiée palestinienne de 48 ans. Ça fait 12 jours que le monde entier regarde les massacres sans rien faire et les États-Unis soutiennent publiquement le nettoyage ethnique en cours à Gaza. Même sentiment chez Georges, la cinquantaine, qui en veut beaucoup aux États-Unis et à la France. C'est le contribuable français et américain qui paye les impôts qui aide Israël à ces massacres. Ici, le soutien inconditionnel de la France à son allié israélien ne passe pas. Le Liban est toujours officiellement en guerre contre l'État hébreu. Noé Pignied, à Beyrouth. L'Organisation mondiale de la santé, elle, s'est bien gardée d'entrer dans la polémique sur la responsabilité de l'explosion de l'hôpital Al-Ali. Mais l'OMS appelle à cesser toute attaque contre les établissements de santé, Camille Magnard. Dans le droit international, en temps de guerre, les hôpitaux comme les écoles doivent être des lieux où la population civile peut se protéger des bombes, d'où qu'elles tombent. Mais selon Mathias Kenes, l'un des coordinateurs de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens, ce qu'il s'est passé hier soir à l'hôpital Ali Arab de Gazaville semble démontrer que cette règle élémentaire n'est pas respectée. Ça nous fait très peur, hein. Ça se confirme qu'il n'y a aucun endroit qui est sécurisé à Gaza. Si aujourd'hui les hôpitaux sont menacés et sont bombardés, c'est pas possible de se réfugier nulle part. Dans les hôpitaux de la bande de Gaza, rappelle Mathias Kenes de MSF, l'électricité, l'eau potable, les médicaments et la nourriture manquent déjà. Tout ça alors que l'afflux de blessés s'est encore accéléré hier soir dans les hôpitaux de Gazaville où travaille le médecin urgentiste Neda Labded. On a reçu énormément de blessés de l'explosion à l'hôpital Ahli Arab. On ne sait plus où les mettre. On a dû en opérer certains, même le sol de notre service de chirurgie. Moi, ça fait deux jours que je n'ai pas dormi. On travaille en continu, les blocs opératoires ne désemplissent pas et pourtant il y a toujours des centaines de blessés en attente. Le médecin assure pourtant qu'il n'évacuera pas le nord de la bande de Gaza, comme l'a ordonné l'armée israélienne la semaine dernière. Pas question pour lui d'abandonner ses blessés qui sont, eux, intransportables. Le bilan provisoire du conflit entre l'armée israélienne et le Hamas fait état d'au moins 1400 morts côté israélien, 3478 palestiniens. En ce qui concerne la France, 24 Français sont morts dans les attaques. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Elisabeth Borne devant le Sénat. 7 Français sont portés disparus. Aujourd'hui, le constat est clair. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances. Or, notre pays a besoin de ce budget. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Faute de majorité absolue à l'Assemblée, Elisabeth Borne a donc engagé la responsabilité de son gouvernement sur la première partie du budget 2024, ce qui n'est pas une surprise. Bonsoir Pierre Pilet. Bonsoir. Le Rassemblement National et la France Insoumise viennent chacun de leur côté d'annoncer le dépôt de motions de censure. Alors maintenant, Pierre, qu'est-ce qui devrait se passer? Alors d'abord, précisons que ces motions ne sont pas encore déposées. Ce sera vraisemblablement le cas dans la soirée. Il faut qu'elles recueillent la signature d'au moins 58 députés. On voit que les divisions au sein de la NUPES sont des conséquences. Les socialistes en conflit avec la France Insoumise annoncent qu'ils ne vont pas participer à la rédaction de cette motion LFI. En cohérence avec notre décision d'hier de faire un moratoire sur les travaux de la NUPES, explique le PS. Et cela signifie donc que ce même PS ne va pas co-signer la motion, mais il compte quand même la voter. C'est l'outil institutionnel à notre disposition pour montrer notre désaccord avec la politique du gouvernement, nous disent les socialistes. Les communistes sont divisés, la moitié du groupe va signer la motion, l'autre non. Et chacun va faire ce qu'il veut pour le vote, nous dit-on en interne. Pas de prise de distance en revanche et pas de divorce pour Europe Écologie Les Verts qui compte suivre les Insoumis. Nous avons un mandat de nos électeurs, on n'y dérogera pas. C'est ce que déclare Christine Arrigui, députée ELV de Haute-Garonne. L'élu ajoute, la NUPES n'appartient à personne. Une fois les deux motions déposées, il y aura un délai de 48 heures minimum avant leur examen, donc pas de vote avant vendredi soir. Elles n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées. La droite ne les votera pas, donc il n'y aura pas de majorité pour renverser le gouvernement. Pierre Pilet, le Conseil d'État vient de rendre sa décision sur la requête en urgence déposée par l'association Comité Action Palestine. C'est suite au télégramme rédigé jeudi dernier par le ministre de l'Intérieur que l'association a réagi. Gérald Darmanin avait adressé un message au préfet, leur enjoignant d'interdire les manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Bonsoir Florence. Bonsoir. Le Conseil d'État rappelle qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si ce risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction des manifestations en question, Florence. Oui, et c'est une décision qui mérite qu'on s'y arrête, car si le Conseil d'État rejette le recours déposé par l'association contre le télégramme ministériel, il rappelle en réalité le principe de la loi existante. Il appartient au seul préfet d'interdire localement une manifestation. Aucune interdiction, dit encore le juge, ne peut être fondée uniquement sur ce télégramme ou sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. Pour Vincent Bringart, avocat du Comité Action Palestine, il y a donc bien une double lecture à tirer de cette ordonnance du Conseil. Sur le papier, il rejette notre recours, mais en réalité, lorsque on lit la motivation, il y fait droit. Il dit bien qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction systématique, mais uniquement des interdictions au cas par cas, et que ce télégramme, dont l'imprécision rédactionnelle a été relevée, ne peut absolument pas servir de base pour pouvoir interdire des manifestations en faveur de la population palestinienne. On en revient à l'état du droit positif, et en fait c'est un désaveu complet pour le ministère de l'Intérieur, parce qu'il avait fait injonction au préfet, par le biais du télégramme, d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, sauf que le juge des affaires du Conseil d'État vient bien dire que s'il peut y avoir une interdiction, elle n'est absolument pas absolue, et elle est au cas par cas. Dans sa décision, le Conseil d'État regrette, et il l'écrit tel quel, la rédaction approximative du télégramme de Gérald Darmanin. À l'audience d'hier, la représentante de l'État avait d'ailleurs été amenée à préciser les intentions du ministre, rappeler au préfet qu'il leur appartient d'interdire les manifestations de soutien à la cause palestinienne, justifiant des actes terroristes comme ceux commis en Israël par des membres du Hamas. Le comité Action Palestine se réserve désormais la possibilité d'engager d'autres actions en justice en fonction des interdictions prononcées. Florence Thurme, de nombreux aéroports, établissements scolaires ou monuments ont dû être évacués ces derniers jours en raison de fausses alertes à la bombe. Le ministre de la Justice promet qu'ils seront retrouvés et punis et leurs parents, ajoute Éric Dupond-Moretti, seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. Le garde des Sceaux évoquant des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. À Lyon, dans le quartier Montplaisir, la Villa Lumière rouvre ses portes. C'est Antoine Lumière, père de Louis et Auguste, qui avait fait construire ce bâtiment, surnommé le Château, en 1900. D'importants travaux ont eu lieu cette année. Un nouveau musée et de nouvelles salles de cinéma vont ouvrir. Bonsoir, Benoît Grossin. Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous. La Villa Lumière est le dernier grand témoignage architectural du site industriel historique des inventeurs du cinématographe, à quelques mètres du hangar, ce fameux hangar qui a servi de décor pour le film La sortie des usines Lumière en 1895. Tout a été rasé dans les années 70, à l'exception de ce hangar du premier film et de cette maison construite tout près des ateliers, la Villa Lumière, où de nouveaux dispositifs aujourd'hui éclairent davantage l'œuvre des précurseurs du 7e art sans toucher à la patine. De la porte d'entrée au plancher qui craque, en passant par les vitraux d'inspiration Art Nouveau, tous les ingrédients du début du XXe siècle sont réunis pour découvrir des dizaines de lanternes magiques, zoétropes, tomatropes et praxinoscopes, ancêtres du cinéma, les prédécesseurs de la pièce majeure du Musée Lumière. C'est avec ce mouvement que les 10 premiers films ont été projetés le 28 décembre 1895 au Grand Café à Paris. Fabrice Calzettoni, le responsable de la médiation culturelle à l'Institut Lumière. C'est avec cette manivelle que Antoine Lumière a fait la première projection publique payante du cinématographe, inventée par son fils Louis Lumière, devant 33 spectateurs. Cette pièce, c'est le cinématographe numéro 1, c'est-à-dire celui qui est à l'origine, qui va donner plus tard donc, le cinéma. Et comme le décrit Fabrice Calzettoni, tous les films des frères Lumière, inventeurs du cinéma en salle, 1422 films réalisés entre 1895 et 1905, sont désormais projetés en même temps sur un mur du musée. Ce mur de mosaïque nous montre toute la production Lumière et par exemple l'évolution de leur cinéma quand ils vont proposer des panoramas qui deviendront plus tard les travelling. À cette fresque numérique s'ajoute une autre innovation, la projection en musique sur plusieurs écrans d'une sélection de films muets des frères Lumière au son d'une composition de Jean-Michel Jarre, Time Machine. Et le musée Lumière, Benoît, a été totalement repensé dans le cadre d'un chantier plus important. Un chantier d'1,7 million d'euros et plus qu'une mise aux normes, il s'agit d'une modernisation inédite de l'ensemble de la villa inscrite depuis 1986 au monument historique, précise Juliette Rajon, chargée du développement à l'Institut Lumière. Et nous avons bien entendu consulté l'architecte des bâtiments de France qui nous impose de respecter la façade et la structure du bâtiment, de conserver son intégrité. Cette restauration du musée fait partie d'un programme plus global de réhabilitation et de rénovation de la villa, restructuration de tous ces réseaux d'électricité, de chauffage, de ventilation, de plomberie, par des travaux également de gros œuvres qui ont permis de creuser 1,70 m le sous-sol de la villa pour pouvoir monter des gradins, pour apporter du confort supplémentaire aux spectateurs des salles de cinéma, et surtout par la création d'un ascenseur pour rendre enfin accessible aux personnes à mobilité réduite l'ensemble du bâtiment, ces fameuses salles de cinéma du sous-sol et le musée du rez-de-chaussée au premier étage. C'est dans une de ces deux salles de cinéma au sous-sol que la Cinémathèque, l'Institut Lumière, a été officiellement créée en 1982. Thierry Frémaux, bénévole à l'époque, en est devenu le directeur avec l'objectif de montrer plus que jamais l'importance de l'œuvre des inventeurs du cinématographe. De dire quel artiste aussi était Louis Lumière, d'une curiosité au monde et d'une curiosité aux gens, dont il y a une trace prégnante dans les films et dans leur vie, et qu'on veut faire ressentir ici une rue de Madrid, une rue de New York, une rue de Tokyo. Eux, tout à coup, ils décident d'aller voir ce qui ne leur ressemble pas. Le nouveau musée Lumière va ouvrir ses portes au public le 26 octobre, après la 15e édition du Festival Lumière. Plusieurs films de la programmation, des classiques du 7e art, cette semaine Aurélie, sont projetés dans ces nouvelles salles de cinéma au sous-sol de la villa. Merci Benoît Grossin. Ce reportage est aussi en ligne sur le site franceculture.fr. Et c'est la journée internationale de la ménopause, un moment de la vie des femmes généralement passé sous silence. Pourtant, l'arrêt des règles s'accompagne souvent de symptômes susceptibles d'affecter la vie quotidienne. Et dans cette période, des pathologies potentiellement graves peuvent survenir. Un traitement hormonal de substitution existe, mais seuls 6% des femmes y ont recours. Le collectif All for Ménopause milite donc pour que le sujet ne soit plus tabou. Sophie Kuhn en fait partie. Déjà, je me suis étonnée parce que ma mère m'en avait jamais parlé. Enfin, c'est loin, je m'en rappelle pas. J'ai peut-être eu des bouffées de chaleur, mais en fait, ce qui leur arrive intimement, enfin, ce qui se passe, cette transition, les femmes n'en parlent pas. Vous savez, on a nos règles un matin ou un après-midi ou enfin whatever, on a nos règles et voilà, et on se dit ça y est, tu deviens une femme. Mais le corps s'est préparé. On n'a pas eu nos règles du jour au lendemain. Le corps s'est préparé. Et en fait, on ne devient pas ménopausée à part vraiment cas rare, mais ou grand choc, mais du jour au lendemain comme ça. Il y a une étape préparatoire. Ça s'appelle la préménopause. Ça intervient en général 4 ans à 7 ans avant la ménopause. Alors, je pense que nous, notre génération, on en parlera plus. Et les jeunes, elles, comme elles ont déjà fait un peu toute leur évolution au niveau des règles, etc., elles interrogent leur maman d'une autre manière. Donc, je pense que ça va tendre à bouger. Mais jusqu'à ma génération, c'est une langue morte, en fait. Et pourtant, la préménopause, elle est hyper importante parce que c'est vraiment une étape de fluctuation hormonale, de déséquilibre hyper important. Donc, on peut très bien avoir des problèmes d'insomnie, des problèmes de troubles de l'humeur, de brouillard cérébral, enfin, vraiment avoir un mal-être. Et en général, comme les médecins sont pas vraiment formés à la ménopause, quand on va voir le généraliste, il va nous tanquer sous Prozac. Parce que lui, il pense que on fait un burn-out, etc. Et personne n'associe ça au fait que ce soit tout simplement un dérèglement hormonal. Et oui, Sophie Kuhn du collectif All for Ménopause répondait à Tara Schlegel. Elle a créé un compte Instagram Ménopause Stories, suivi déjà par plus de 20 000 abonnés. La météo, le temps restera perturbé demain. Il pleuvra et le vent soufflera. Des orages sont prévus dans le sud-est. Au petit matin, il fera 9 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 au sud. L'après-midi, les températures atteindront 17 à 22 degrés sur les deux tiers nord du pays, 20 à 24 plus au sud, jusqu'à 27 en Occitanie. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Et on vous retrouve tout de suite pour le temps du débat sur France Culture, Emmanuel Laurentin. Exactement, et merci beaucoup pour ce journal Aurélie Kiffer. Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la situation humanitaire à Gaza. À l'ordre du jour ce soir, quelle place pour l'humanitaire en temps de guerre? On le sait, l'aide humanitaire est essentielle quand une guerre se déploie, mais elle peut être elle-même la cible des combattants. Depuis les attaques du Hamas il y a 10 jours, cette aide ne passait plus, ni par le point de passage avec l'Égypte au sud, ni par celui du nord, depuis Israël. À l'occasion de son voyage en Israël, le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un accord pour que des vivres et de l'eau puissent entrer au plus vite par Rafah depuis l'Égypte. Mais il faudra du temps pour améliorer cette situation humanitaire catastrophique, cette situation de ce territoire marquée par la destruction hier de l'hôpital de Gaza dont le Hamas dit qu'elle a fait 471 morts. D'autres autorités palestiniennes parlent de 200 à 500 personnes qui sont mortes dans cette destruction de cet hôpital. Comment savoir ce qui se passe exactement en l'absence de journalistes étrangers alors que les seuls reporters sont des Gazaouis craignant pour leur vie et celle de leur famille? Quel type d'aide humanitaire fournir en priorité pour le bilan de plus de 3400 morts selon le Hamas pour qu'il ne s'alourdisse pas encore dans ce territoire de Gaza? Nous allons le voir avec nos trois invités. Avec Johan Soufi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé dans le domaine de la justice pénale internationale et des droits de l'homme, responsable du bureau juridique de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, et ancien procureur international en Ukraine. Vous avez vécu à Gaza, vous nous en parlerez sûrement. Isabelle de Fournier est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de MSS France. Et Marine Vlaovic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et ancienne